Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Aujourd'hui, nous détournons le regard. Intéressons-nous à d'autres. Gotham City est une ville qui déborde d'aventures et de points de vue. Profitons-en. Quelle vie particulière, celle d'agents privés de la vérité et de la justice. Anciens policiers, carrière ratée ou personnalité anormale, c'est ici, en tout cas, que vous êtes retrouvés tous ensemble, dans cette agence de détectives privés. Ou pour faire vos courses, vous vous retrouvez à espionner un tel ou un autre pour une riche bourgeoise inquiète d'une potentielle infidélité. Parfois, vous devez d'enquêter sur des possibles entourloupes que vos clients préfèrent être réglés par vous plutôt que par la police. La profession a encore un bel avenir dans une ville comme celle-ci. Mais nous sommes bien loin de certaines fictions qui dépeignent votre métier comme des aventuriers des temps modernes, aux prises avec la mafia, un complot secret ou encore des esprits démoniaques se cachant sous la ville. Ce soir, vous rendez à l'Institut d'Arkham, sur l'île d'Arkham. Ce grand rocher maudit qui abrite l'hôpital psychiatrique, le centre pénitentiaire pour les criminels pénalement irresponsables ou encore le manoir d'Arkham, trésor historique de la ville. Votre client est Joshua Gardner, le directeur actuel de l'Institut, nommé à ce poste par son prédécesseur, Quincy Sharp, maintenant maire de Gotham. Vous ne savez pas exactement dans quoi vous vous embarquez. L'affaire est une de celles qu'on ne voit pas si souvent. Car après tout, trois disparitions et deux morts, c'est normalement un travail pour la police. Il y a sûrement des raisons et plus d'informations. Mais vous n'en saurez plus qu'une fois sur place, face à Monsieur Gardner. Le soleil se couche tôt en cette période de l'année. Les ombres des arbres deviennent des abysses menaçantes. Dans le ciel, l'astre lunaire semble prêt à s'effondrer sur vous. Bienvenue à l'Institut d'Arkham. Et l'heure d'attente que vous allez subir dans la salle d'attente du manoir, du même nom, avant qu'enfin un secrétaire à l'air louche ne vienne vous annoncer la bonne nouvelle. Monsieur Gardner est prêt à vous accueillir. Avant toute chose, je vais vous demander de décrire un peu vos personnages, vu que vous ne jouez pas vos personnages habituels. Donc, qui veut commencer, commence. Dorothy Appear, dit la Harpy. Je travaille en tant que détective privé dans Gotham depuis maintenant quelques années, après plusieurs décennies de service au beau milieu de la police de Gotham, du GCPD. J'ai décidé de quitter mon travail suite à la révélation de quelconque scandale, comme quoi j'aurais participé à la mise à mort et à la au sabotage de certaines enquêtes moyennant finances, mais heureusement, je n'ai pas été inculpé de quoi que ce soit faute de preuves. Du coup, voyant que le reste de mes coéquipiers s'étaient montés contre moi, je décidai de me lancer en freelance avec d'autres anciens policiers. Et puis, de toute façon, j'ai 2-3 dossiers sur pas mal de hautes sphères de la ville qui me garantissent une certaine protection. On va de Sharp, en passant par les Wayne ou 2-3 criminels. Quelques petites histoires bien enfermées dans des dossiers dans ma cave qu'il ne faudrait pas bon ressortir. Ah, écoutez, moi c'est Pierce, Victor Pierce. Je suis un ancien policier de la ville aussi, de Gotham, enquêteur. J'étais enquêteur chez eux et je suis parti. Vous pouvez voir un homme habillé en smoking, avec une petite casquette de golf, avec une barbe. Et de temps en temps, quand il s'enlève sa casquette juste pour se frotter son crâne tout chauve. Vous pouvez savoir voir qu'il est chauve, il a quelques rides, mais il fait pas son âge. Il a quelques. Maintenant, il fait des enquêtes avec des anciens policiers aussi, dont madame, sur certaines enquêtes, par exemple, plutôt pour des mafieux et quelques bourgeoises, c'est tout. Nous avons donc aussi. David Smile, si j'ai bien compris. C'est exact. Docteur ouais. David Smile. Je suis diplômé en chaire de psychologie cognitive de l'université de Métropolis. Après une brillante carrière dans le système hospitalier privé, une légère erreur de parcours excusez-moi une légère erreur de parcours disais-je m'a mené à être muté dans l'hôpital d'Arkham bien sûr. En effet, il se peut qu'une de mes patientes ait provoqué un attentat à la bombe en plein Métropolis, mais bref, c'est une autre histoire. Je suis donc maintenant au service de psychologie et psychiatrie des patients, on va dire, du patient moyen de Arkham. Et donc, j'ai été chargé par ce très cher directeur de m'assurer que l'enquête se déroulerait bien, que le bien-être de nos patients n'était à aucun moment mis en danger. Eh bien. Eh bien, merci pour cette présentation. Vous retrouvez donc tous les trois dans le bureau de Joshua Gardner. Vous êtes dans un bureau qui est assez luxueux en réalité. Vous voyez que c'est un bureau qui rappelle vraiment l'époque gothique. Vous imaginez vraiment que à la place de ce directeur d'asile, il pourrait y avoir un écrivain maudit en train d'écrire les nouvelles les plus terribles qui n'aient jamais existé. Mais non, c'est dans un asile. Après tout, le bureau se trouve dans le manoir d'Arkham en lui-même, donc c'est tout le bâtiment est dans ce style-là, où c'est pas vraiment dans la partie qui est dédiée aux soins. Et vous avez donc ce vieux bonhomme qui doit être assez âgé, il doit être autour de l'âge de nos deux détectives, hein, pour être honnête. Si ce n'est que lui, il le vit assez moins bien physiquement, il a l'air très diminué, il a quelques cheveux blancs mais très peu, aucune autre pilosité faciale mis à part ses sourcils. Il est dans une espèce de petite de blouse. De médecin, même si on peut douter qu'il mène lui-même le moindre soin. Et il vous accueille sans se lever lui-même du bureau de son siège. Il vous fait seulement signe de la main depuis votre entrée de venir vous asseoir tous les trois en face de son bureau. Eh bien, on s'assoit. En tout cas, moi, je m'assois, mais je m'assois de manière assez élégante quand même. Je considère qu'on a une forte valeur. On n'est pas les petits limiers qu'on envoie faire des petites missions de pacotille. Donc, je tire la chaise en la soulevant légèrement pour pas qu'elle ne fasse de bruit. Et je m'assois droitement sur cette dernière. Je fais la même chose qu'elle, vu qu'on est de la haute. Oui. Quant à moi, je vais m'asseoir de façon assez rigide, c'est-à-dire je vais sortir, me mettre devant la chaise, la reculer, puis m'asseoir et poser mes bras sur mes genoux en regardant le directeur Gardner dans les yeux. Très bien. Vous voyez que le directeur Gardner donc note deux ou trois petites choses sur un papier pendant que vous vous asseyez, puis relève de nouveau le regard vers vous et vous adresse ses premiers mots. Pour commencer, pour ceux que je n'ai encore jamais croisés, enchanté. C'est un plaisir de pouvoir vous connaître. Je vous remercie d'être présent. Et je préciserai que monsieur, enfin, le docteur Smile, qui est ici, ici présent avec vous, va vous accompagner le long de cette enquête, tout simplement car vous pourriez vous perdre dans ces lieux, ils sont assez complexes, il y a plusieurs bâtiments, et parce que, étant un lieu avec une profonde histoire, et notamment aussi des patients bien particuliers, avec une histoire particulière aussi pour ce lieu qui par le passé a laissé s'échapper certains de ces individus. Nous préférons que toute personne qui se déplace soit accompagnée d'une membre du personnel, donc ce sera pour vous, Dr. Smile. Oui, bonjour. J'espère que vous n'y voyez aucun souci, bien sûr. Non, pas du tout. Bien. Ne vous inquiétez pas, je serai discret comme une image, du moins tant que tout se passe bien. Très bien. Bon, je ne vais pas vous garder dans le mystère pendant encore très longtemps, je vais vous le dire immédiatement. Vous êtes là car nous avons un assez gros problème, qui heureusement n'a pas encore fuité quoi que ce soit, mais c'est que nous avons eu récemment 3 disparus et 2 morts au sein de notre institut. Ce qui pose énormément de problèmes, comme vous le savez, l'institut est en cours de rénovation, nous avons beaucoup d'ouvriers qui y travaillent, beaucoup de mouvements, certains de nos patients ont été déplacés jusqu'à la prison de Blackgate, d'autres doivent rester sur place, car ils sont difficilement déplaçables. Si cette affaire n'est pas réglée rapidement, cela pourrait poser de gros problèmes, d'autant plus que, même s'il ne travaille plus ici, comme vous le savez, Monsieur Sharp reste, l'image de Monsieur Sharp reste très profondément liée à l'Institut, et nous aimerions éviter que cela entache autant notre Institut que la vie de notre estimé collègue. D'accord. Ok. Pouvez-vous nous en dire plus sur les détenus qui ont disparu et la circonstance dans laquelle vous avez retrouvé ces morts ? Bien entendu, bien entendu. Eh bien, pour commencer, ce ne sont pas que des détenus qui ont disparu. En réalité, nous avons un disparu parmi les détenus, 2 morts parmi les détenus, et 2 disparus parmi des ouvriers. Travaillez donc dans les rénovations. Comment dire ça ? Pour ceux dont nous avons retrouvé les corps, c'est-à-dire 2 patients, nous les avons retrouvés dans le garde-manger. Bien entendu, les corps sont à présent à la morgue et nous vous y donnons accès, bien entendu, si vous voulez vérifier tout ce dont vous auriez besoin. Que dire d'autre ? Nous sommes actuellement de nuit, donc notre personnel est restreint actuellement. Il y a moins de monde que ce que nous avons habituellement, mais ce que nous savons, c'est que les disparitions et les morts ont forcément eu lieu de nuit. Donc ça ne peut pas faire partie du personnel de jour. D'après ce que nous savons, en tout cas. Vous avez le droit d'interroger quiconque que vous croisiez. Ils ont pour ordre, tout simplement, de vous répondre. Je vous demanderai cependant d'être assez discret sur les questions que vous posez, car si la plupart savent qu'il y a eu des soucis, nous ne sommes pas très nombreux à savoir quelle est l'ampleur du problème, et nous préférerions éviter que, en rentrant du travail, un ouvrier ou un membre du personnel qui n'a pas encore le culte professionnel du secret aille en parler autour de lui et que ça finisse aux journaux avant que nous n'ayons réglé ce souci. Pour la tranquillité de nos patients, bien entendu, ce serait un problème si l'asile était pris d'assaut par les paparazzi et ce genre de choses. Ce qui se passe à Arkham reste à Arkham, n'est-ce pas? Évidemment. Qui avait accès au garde-manger? Comment peut-on s'y rendre? J'aimerais savoir comment quelqu'un a-t-il pu y déposer deux cadavres? Ça et ne qui... peut pas être... l'œuvre de l'un de vos patients, si? Nos patients, là, une grande partie de nos patients, en tout cas ceux qui sont dangereux, ne peuvent pas se déplacer hors de leur cellule, hors de leur chambre, tant que nous ne leur donnons pas la permission, tant qu'ils ne sont pas accompagnés. Donc il y a peu de chances que ça en soit. Nos patients qui sont plus stables, qui sont plus du genre qui... sont normalement présents dans les hôpitaux psychiatriques du reste du pays. Vu que vous savez qu'Arkham a une situation particulière, c'est qu'il abrite aussi un nombre assez important de criminels pénalement irresponsables. Pour ce qui est, disons, des personnes qui ont des problèmes dépressifs, des problèmes de suicidaires et tous les autres problèmes pour lesquels ils pourraient être présents dans l'hôpital psychiatrique, normalement, ils peuvent se déplacer assez librement en fonction de leurs troubles, bien entendu. Mais je doute que ce soit parmi nos patients que la personne à l'origine de ces crimes se trouve. Pour ce qui est de qui a accès au garde-manger, nous avons le chef de cuisine Johnny Stelio, qui est actuellement présent sur les lieux. Si vous voulez aller discuter avec lui, il sera prêt à répondre à vos questions. Avez-vous des pistes à nous confier, des suspicions? Des membres du personnel qui auraient changé récemment? Les membres du personnel ont énormément changé dernièrement. Je dois avouer que nous avons fait un petit nettoyage. L'Institut Arkham a une assez mauvaise réputation de gruyère, pour ainsi dire. Vu son histoire. Donc nous avons renouvelé tout le personnel, nous sommes actuellement en train de renouveler toute l'infrastructure, donc il y a peu de médecins, d'infirmiers qui soient d'actualité de l'époque de Monsieur Sharp. J'ai personnellement fait en sorte de remplacer quasiment tout le monde. D'accord. Voilà, donc je ne pense pas avoir de suspicion particulière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il pourrait être intéressant de discuter avec monsieur Jack Napier, qui est un ouvrier, un chef de projet, qui est encore présent sur les lieux d'ailleurs, qui en saura sûrement plus sur les ouvriers, eux, qui ont disparu. Ne faites pas attention au bruit, on entend beaucoup de choses dans les conduits d'aération. Ouais, exactement. J'ai une petite question. Oui? Quand ont eu lieu ces disparitions et les meurtres? Les disparitions et les meurtres ont eu lieu dans les... de manière assez éparpillée. Tout ce n'est pas un massacre, hein. Tout s'est fait sur le long terme dans les 2 derniers mois. D'accord. Et vous savez si ces gens-là ont eu des ennemis ou des gens qui leur voulaient du mal à l'intérieur? Ou à l'extérieur, bien évidemment, parce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui est rentré. Oh, mais vous Il y a... savez, dans notre asile, personne n'en veut à personne. De toute façon, nos patients sont bien trop médicamentés pour en vouloir à qui que ce soit. Et comme l'a dit Monsieur Gardener, le personnel est récent et travaille dans la joie et la bonne humeur. Exactement. D'accord. Comment sont-ils morts? Étouffés? Étranglés? Gorge tranchée? Oh, nous pourrons vous emmener voir les cadavres, comme nous avons dit plus tôt, si vous voulez. Exactement. Avec plaisir. Je pense que nous allons commencer par là, si jamais vous êtes d'accord, mon cher Victor. Si nous voyons comment les corps ont été tués, nous pourrons peut-être tenter de trouver l'arme du crime sur les lieux. Bien, très bien. Une dernière chose avant que je vous laisse faire votre magie. Je vous donne accès, je vous donne le droit, disons, tout simplement car c'est nécessaire, je pense, à votre enquête, de discuter avec un certain patient que nous avons, qui normalement n'a pas des contacts très très étendu avec l'extérieur, qui dit savoir des choses sur ce qui s'est passé, mais qui, bien entendu, refuse de discuter avec le personnel. Si vous pourrez peut-être en sortir quelque chose de lui, il se trouve au sein du manoir, c'est un des patients qui n'a pas besoin d'une sécurité très, très avancée. Il se trouve tout simplement à la chambre A56B. Vous pourrez aller le voir si vous pensez pouvoir en sortir quelque chose. Très bien. Très bien, très bien. N'hésitez pas à revenir me voir si vous avez besoin de plus de choses, bien entendu. J'aurais quelques questions et quelques requêtes à vous faire avant de nous quitter. La première, monsieur. Non, pardon. Monsieur Goldener, serait de nous fournir un document signé de votre main pour nous donner les autorisations dont nous avons parlé. Et la deuxième, je vous la remets immédiatement. Et à ce moment-là, je cherche dans mon petit sac à main une note d'honoraire que je lui fixe, que je lui tends. Donc, il vous suffit de signer en bas. Voici notre prix habituel pour une mission de ce genre. C'est là juste en bas à côté du terme Black Canary Agency. Très bien, très bien. Vous voyez qu'il ne prend même pas le temps de lire ne serait-ce que le prix qu'il y a sur vos honoraires, et il signe directement. Il vous fournit aussi rapidement les papiers que vous avez demandé, qu'il avait au préalable préparés. Merci beaucoup, monsieur Goldener. Soyez-en sûr que vous pourrez bientôt dormir sur vos 2 oreilles. Et pas besoin de l'exomile. Ouais. Très bien. Si cela est suffisant. Et il montre d'une main un peu tremblante, sûrement à cause de l'âge, la porte vers la sortie de son bureau. Du coup, je sors, mais je laisse passer d'abord la dame. Eh bien, nous sortons. Question, OMJ, est-ce que tu m'autorises à mettre un petit pistolet vraiment, c'est les toutes petites armes que tu caches un peu dans les manches, dans mon petit sac. Eh bien, il se trouve que à l'entrée de l'asile, vous avez, enfin, de l'institut Arkham, on appelle plus ça asile, c'était pas très respectueux. L'Institut Arkham, il y a des fouilles bien entendu et on ne permet pas les armes à feu. Cependant, si tu décides d'avoir essayé de le cacher, je vais simplement te demander un jet d'astuce Très pour bien. voir si tu l'as caché de manière assez efficace. Je Et jette ça, quoi ça aura pu sur passer. le dé? Descends. Oui, c'est un dessin. Très bien. Eh bien, je fais 74 et je suis considéré comme étant moyen en astuce. Eh bien, malheureusement, l'arme a été trouvée pendant la fouille et on t'a notifié du fait qu'il ne pouvait pas permettre l'entrée d'armes à l'institut. Eh bien, après avoir lâché un juron et une accusation de quelconque auprès du garde qui m'a dit ça, je lui ai remis mon arme de fonction. En lui rappelant bien sûr que s'il m'arrivait quoi que ce soit, je retiendrai son nom et que j'en parlerai à ses supérieurs. Vous êtes donc maintenant libre au sein des couloirs du manoir d'Arkham. Si vous voulez vous refaire une petite idée d'à quoi ressemble Arkham, je vous propose, il y a toujours la carte qui est disponible dans le salon carte, où toute l'île d'Arkham est présente. Avec les différents bâtiments qui s'y trouvent. En plus du manoir, donc le centre pour le pénitencier, la zone médicale, le manoir, etc. C'est sur quoi, c'est sur la carte de Gotham ? Oui, la carte de Gotham, c'est sur la petite île qui se trouve entre Burnley et Somerset, donc dans les îles supérieures. C'est la carte où il n'y a pas de carré, voilà, où c'est... C'est un phare, le rond qu'on voit au bout, à droite, enfin, dans la partie pardon, ouest. Oui, c'est un phare. Très bien. Ok. Donc je vais vous demander, je vous laisse décider, mais quelle est la suite de vos plans ? Eh bien, Monsieur Smile, avez-vous des connaissances à l'intérieur du manoir que vous nous conseilleriez d'interroger en préambule, peut-être le chef de la garde de nuit. Voyez-vous, j'ai promis à mon mari que je rentrerai avant 4 heures. J'aimerais donc éviter de faire des allers-retours inutiles. Ce Smile, je pense que pour le bon fonctionnement de cette enquête, vous devriez vous montrer des plus coopératifs. Mais tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Mais ne vous inquiétez pas. De toute façon, je sais bien que les mages. Que l'ex-asile d'Arkham peut renvoyer. Elle peut être parfois négative, mais ne vous inquiétez pas, nous ne sommes plus autant des trépanations et autres, déviations psychiatriques. Nous sommes un établissement de santé moderne et je ne suis pas fou. Eh bien, parfait. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas fou? Oui, j'ai même un diplôme qui le prouve. Ah, c'est ce qui m'inquiète. Eh bien, parfait, parfait, parfait. Que suggéreriez-vous en premier lieu? Moi, je me rendrai bien au niveau de la morgue pour constater les cadavres. Moi je vous suis madame, je pense que vous avez bien raison qu'on arrive pas à faire ça. Sauf s'ils les ont cramés les corps, auquel cas on a déjà notre réponse si c'est le cas. Mais c'est avec plaisir que je vous emmènerai à la morgue. D'accord, ben on vous suit monsieur. Eh bien allons-y. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu de cadavre. Oh, moi, ça fait... Ouais, la même temps que toi. Oh, ça arrive bien de temps en temps. On s'ennuierait, sinon. Eh bien. Donc, Dr. Smile vous a mené ces deux chers enquêteurs à la morgue. Alors bien entendu, vous ne les amenez pas à la morgue principale, celle qui est dans la zone médicale des lieux, mais dans la petite morgue du manoir, qui est sa petite morgue personnelle, d'assez petite envergure, disons, qui a été préparée pour que les enquêteurs puissent y faire tout ce qu'ils ont à faire. Petite morgue donc, de petite taille, où il n'y a pas vraiment place pour plus que, disons, une dizaine de corps. Bon, il n'y a jamais une dizaine de corps, hein, il y a jamais... Normalement, les corps sont rapidement pris en charge par les familles ou ce genre de choses. Quand ils ont des familles. Et à l'intérieur, vous entrez directement et vous remarquez donc les deux tables en ferraille de cette morgue sur lesquelles sont placés deux corps. Avec chacun leur dossier à leurs pieds. Je commence à les inspecter. Les deux corps. Les deux corps, donc, qui sont les deux. Oui, vous avez l'équipement. L'équipement qui a été mis à disponibilité. C'est pas de quoi faire une autopsie, hein, mais vous avez des gants, vous avez de quoi un peu les toucher sans avoir à vous. À toucher directement le cadavre. Mais ce sont les deux corps donc des deux patients qui ont été retrouvés. Que je vous rappelle, c'est deux morts sont les patients, et nous avons un disparu patient et deux disparus ouvriers. Donc ces deux patients morts sont dans un état. Un très mauvais état pour être honnête. Vous remarquez immédiatement, ça y a pas besoin de faire de G ou quoi que ce soit pour le savoir, qu'ils ont été tailladés. Tailladés en profondeur, un peu, presque un peu au hasard, à différents endroits de leur corps. La seule constante, c'est que bien entendu, leur gorge a été tranchée. Maintenant, si vous voulez les inspecter en détail, vous me le dites. Moi, je les inspecte en détail. Ok. Donc, je vous demande, enfin, je te demande, si tu les inspectes, du coup, de me faire un jet de connaissance. Si je me souviens bien qu'il y en a une. Ouais, connaissance. J'ai fait 58. Et en connaissance, tu as moyen. Donc, tu prends un petit temps pour observer ces deux corps et tu ne sembles pas trouver plus d'éléments que ça. Il ne semble pas y avoir plus de place, enfin plus de traces d'un autre mauvais traitement, si ce n'est que l'un des corps a d'autres traces de taillade, mais beaucoup plus anciennes. Un peu partout sur son corps. Sur ses bras, sur ses jambes, sur son torse, même sur son visage. En fait, tu te rends rapidement compte que cette personne-là, ce patient, a des cicatrices sur l'intégralité de son corps. Question, quels sont les noms des deux patients? Eh bien... Donc, tandis que ton collègue s'occupe du coup de vérifier les corps, tu regardes les dossiers. Le premier patient se nomme. Alors, excuse-moi, je l'ai marqué quelque part. Le premier se nomme Alexander Rabinovitch. Et le second se nomme Victor Zaz. Et je vais vous demander à tous les deux un jet de connaissance. Enfin, tous les trois en réalité. Même si Monsieur Smile en sait sûrement un peu plus que vous, mais. C'est lequel de deux qui est tailladé? Les deux sont tailladés profondément, et celui qui avait des cicatrices antérieures à ça est Victor Zaz. Ok, oui, c'est ça qui avait été fait tailler d'ailleurs. Je vais juste me déconnecter 2 secondes, je suis désolé, mais je suis en push to talk et pourtant mon rond vert est allumé en permanence, je ne sais pas pourquoi. Ok. Donc, j'ai peur qu'il y ait de l'écho, je vais du coup revenir, j'en ai pour 2 secondes. Ok, parfait. Très bien. Donc je répète, tous les trois, un jet de connaissance. Ça 76. 57. Je ne suis guère meilleur en connaissance qu'en astuce. Je suis bon. Ok. Donc... Donc, eh bien, Dr. Smile et... alors, tu m'as dit combien, toi 50, tu m'as dit 57. Okay. 57, ok. Eh bien, ces noms ne vous disent pas spécialement quelque chose, mis à part à monsieur Dr. Smile. Toi, tu sais bien entendu que Victor Zaz donc est une personnalité de Gotham, pour ainsi dire, car c'est un tueur en série qui a fait pas mal de victimes à Gotham. Il est natif de Gotham, il a toujours fait ses affaires à Gotham. Et c'est un... Il avait une pathologie obsessionnelle particulière, c'est celle que, à chaque mort, il devait se taillader lui-même, pour une raison ou une autre. Tu sais aussi que ce cher Monsieur Zaz était une personne qui était assez en forme physiquement, pour être honnête, et que du temps où il était encore en vie au sein de l'Institut, les gardes, enfin la sécurité en tout cas, n'était jamais très heureuse à l'idée de s'approcher de lui, car il était en réalité capable de se battre, et de bien se battre. Donc il était souvent énormément médicamenté, et même ça parfois c'était pas suffisant, lorsqu'il devait le garder en place. D'accord. C'est pas toi qui le sais. Ah merde. C'est monsieur Dr. Smile. Non, ça, Dr. Smile, je parlais que de Zaz, du début à la fin. Voilà, Zaz sait se battre et du coup, ce n'est pas quelqu'un qui se fait avoir comme ça. Les gardes n'aimaient pas trop aller s'occuper de lui. Eh bien, voyez-vous, très chers messieurs, nous avons ici en face un véritable cas d'automutilation, ou si je peux dire même d'autoscarification. Le patient dénommé Zaz avait pour ça l'habitude de se taillader le corps et de se dessiner ou pas des motifs pleins de sens ou pas. Mais on peut pas dire que c'était, comment dire, un nerd, si je puis dire, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas le genre à se faire goûter son goûter à la récré. Si je peux simplifier. On va dire que je pense que le corps médical sera très peu... Très peu quoi ? Laissez le monsieur Smile ne doit pas être très habitué à voir ainsi des corps éliminés avec autant de barbarie. Je propose que nous rendions bientôt visite à ce Jacques Napier. J'aimerais poser au moins des questions à au moins une ou deux personnes. Ainsi que le Johnny Stelio pourrait nous apprendre certaines choses, le chef cuisinier. Bah, je vais aller voir le chef pendant que je te laisse voir les autres. On pourrait y aller ensemble, la force de proposition. Je pourrais faire Good Cop. Et toi, Bad Cop, si jamais le cuisinier venait à ne pas répondre à nos questions. La dernière fois que j'ai joué Bad Cop, je me suis tiré la pisse. Mais ouais, ok, ça marche. Bah, go, on y va. Vous décidez d'aller discuter avec le cuisinier, c'est ça, ou Jack Napier? D'abord Jack, pas de bien. D'accord. Donc le chef de projet ouvrier, donc. Ouais. Donc, le Dr. Smile, j'imagine, du coup, vous amène jusqu'à... jusqu'aux espèces de petits baraquements qui ont été installés pour les ouvriers, pas pour y vivre, mais pour en tout cas y travailler, etc., qui sont sur les côtés du manoir. Vous ouvre la porte donc d'une de ces petites, de ces petits blocs de métal dans lesquels ils entreposent leur matériel, dans lesquels ils ont des tables, etc. Et vous êtes accueilli par tout simplement donc ce fameux Jack Napier, un homme assez grand, avec une stature assez impressionnante. Il a l'air d'être assez en forme, pour être honnête. Et il doit avoir la quarantaine, quelque chose comme ça, et il est en train de, a priori, de faire. De terminer sa journée, pour ainsi dire, de faire peut-être des heures sup, peut-être qu'on lui a demandé simplement de rester présent pour vous. Mais en tout cas, il est là. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je me présente, je suis le détective Pierce. Ah, c'est vous les détectives, ouais, d'accord. En effet. Oui. Oui, bonjour monsieur Napier. Ne vous inquiétez pas, tout ceci est mené dans le cadre des affaires courantes de l'asile d'Arkham, mais je pense que vous avez été mis au courant, bien sûr. Oui, on m'a dit qu'on pourrait venir me parler. En comptant sur votre discrétion, n'est-ce pas, monsieur Napier? Évidemment, évidemment. Bien. Évidemment. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vos deux ouvriers qui sont morts. Qui ont disparu. Oui, disparu. J'espère encore qu'on pourra les retrouver vivants, évidemment. Oui. Ce sont pas seulement des collègues, ce sont aussi des gens. Enfin, au moins l'un d'entre eux, c'était une personne avec qui j'avais des bons rapports. Donc. D'accord, ok. Vous pouvez m'en dire plus sur les deux? Et après, un tout petit peu plus que sur la personne que vous connaissez? Que dire? Bien, le premier, tout simplement celui avec qui que je connaissais assez bien, c'est un ami en réalité. C'est un certain Eric. Mmh. Eric Stoll. Stall, si vous voulez faire des notes. Eric Stoll, ouais. C'est un bon gars, il a une famille, il a une femme, il a deux gosses. Travaille du mieux qu'il peut. Honnêtement, quand j'ai eu ce poste, lui-même, il avait été pressenti pour le faire et malgré moi, je l'ai doublé. Bon, heureusement, il m'en a jamais voulu. D'accord. Mais c'est non, quelqu'un de très bien, quelqu'un de très droit, quelqu'un qui a toujours eu un sens du travail. Vous voyez, il restait organisé. Quand on lui disait de faire quelque chose, il le faisait. Il prenait rarement des pauses si c'était pas nécessaire. Il faisait le travail jusqu'au bout et il était capable de râler, il faut dire, quand les autres gars travaillaient mal. Ça en faisait un atout assez efficace pour moi et le rôle que j'ai eu. D'accord. Pour ce qui est de l'autre, Jeffrey. Voilà, Jeffrey Harpas. Je le connais pas énormément, pour être honnête. C'est le genre de gars qui restait très discret. Il parlait pas, même pendant les pauses, quand on lui adressait la parole. C'est toujours des phrases, vous savez, qui se terminent très rapidement. Si on lui pose une question, il allait dire oui ou non, il allait pas rajouter quelque chose de plus. Je crois qu'il n'avait pas de famille, en tout cas il n'en a jamais parlé. La seule fois où il a parlé de quelqu'un de proche, je crois qu'il a parlé de sa mère. Peut-être qu'il vivait encore avec lui, il me semble. C'était un gars assez jeune, pour être honnête. Il devait avoir 25 ans, peut-être un peu plus. Voilà, le travailleur de base. C'était pas un tir au flanc, c'était un travailleur lui aussi, mais pas du niveau d'Eric, évidemment. Que dire de plus? Que dire de plus? Oui, Eric, c'était un sacré gaillard, donc honnêtement, si quelqu'un s'est attaqué à lui ou quelque chose, ça devait être quelqu'un d'assez costaud, je pense. Pour ce qui est de Jeffrey, bon, c'était un gars assez mince, il faut dire, il faisait c'était le genre de gars à se fatiguer rapidement au boulot. Malheureusement, il n'avait pas encore pris, il n'avait pas encore pris le physique du métier, pour ainsi dire. D'accord. Donc bon, lui, j'imagine que n'importe qui aurait pu s'attaquer à lui. Dites-moi, dans quelles circonstances sont-ils disparus exactement ? Eh bien, ils ont disparu lors de des débuts de soirée. La plupart des ouvriers, en réalité, le chantier ferme le soir venu. Hein. On reste pas la nuit pour faire des heures supplémentaires, quoi que ce soit. Cependant, certains d'entre nous parfois restent, notamment Eric, car il m'aidait. Ce n'était pas son poste, mais il était toujours là pour rendre service, donc il m'aidait pour ce qui était du reste. Donc, quand je restais moi sur place pour régler quelques petits soucis, prévoir la journée du lendemain, il restait souvent et il me semble qu'il a la dernière fois que je l'ai vu, il avait quitté ma compagnie pour quitter les lieux simplement, pour partir chez lui, et il a disparu. Pour ce qui est du cas de Jeffrey, la dernière fois que je l'ai vu, il rentrait chez lui, pas tard dans le soir, il est parti quand le chantier fermait, et il n'est jamais revenu le lendemain, donc... C'est ce que j'ai dit, moi, au gars de l'Institut, hein, c'est que je pense pas que Jeffrey est vraiment concerné par cette affaire. Je pense juste que lui, il s'est juste barré parce qu'il en avait marre. Sans donner de nouvelles ? Sans donner de nouvelles, ça peut arriver. Pourquoi ne vous a-t-il pas touché quelques indemnités ? Bonne question, mais je l'ai vu quitter les lieux. Et il n'est simplement pas revenu le lendemain. Donc, s'il a dit... Vous l'avez vu traverser le pont ? Oui, il est parti avec le reste des gars. Vous savez, nous, quand les chantiers se ferment, les gars, ils restent pas longtemps. Donc, dès que la cloche sonne, pour ainsi dire, on n'a pas de cloche, mais dès qu'elle sonne, tout le monde prend les véhicules et tout le monde se barre. Hein. D'accord, ok. Et pour Eric Stoll, comme je vous l'ai dit, il était resté un peu plus tard avec moi et il a fini par partir, tout simplement. Je ne l'ai pas vu partir, mais il m'a simplement dit qu'il partait. Il a quitté ma compagnie et je ne l'ai pas revu depuis. Est-ce que vous savez si Eric Stoll ou Jeffrey étaient liés de près ou de loin à certaines histoires ? Est-ce qu'ils posaient des questions ? Est-ce que les disparitions ont lieu ? Non. Je vais en dire trop. Est-ce qu'elles ont eu lieu après ou avant les quelques incidents que l'on a pu déplorer ces derniers temps auprès de différents patients ? Je suis pas au courant de problèmes avec les patients. Faut dire que je les croise quasiment jamais. On s'occupe de l'infrastructure, des zones qui ont besoin d'augmenter la sécurité. Pour ça, je pense que Monsieur Smile pourra vous en dire plus que ça, hein, sur les problèmes. Hein. Si au niveau du temps, comment ça marche, mais moi j'en sais rien. Oui, et puis vous savez, le bruit peut être gênant pour certains de nos patients, n'est-ce pas ? Nous sommes aux petits oignons, pour leur bien-être. Un vrai hôtel. Exactement. Et donc oui, vous me demandiez s'il y a... Enfin, à ma connaissance, qu'est-ce que j'en sais, tiens. Eh bien, à ta connaissance, tu sais que les ouvriers... que Jeffrey, de son côté, donc celui qui a disparu sans laisser de traces après avoir quitté les lieux normalement, il a disparu... En fait, c'est la première disparition. Si on met une chronologie, c'est le premier gars à avoir disparu. Ensuite, il y a eu deux patients... Ensuite, Eric. Dont Zaz ? Non, Zaz est le dernier à avoir disparu et ensuite à avoir été redécouvert mort. Voilà. Alors, donc, vous avez Jeffrey, deux patients, Eric, Zaz. Mais du coup, il y a un disparu en plus. Non, c'est moi qui ai mal compté, excusez-moi. Mais c'est. Prenez le décompte que je viens de vous dire. Attends, et du coup, c'est quoi ? C'est Jeffrey, deux patients, Eric et Zaz. D'accord, et donc on a retrouvé deux patients morts, donc Victor et Alexander, et du coup il reste un patient toujours disparu. C'est ça. Au nombre des disparus, ce sont les deux ouvriers et un patient. Et il y a deux morts sûrs qui ont été retrouvés, donc qui sont des patients. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé deux morts, mais les deux patients retrouvés morts ensemble n'avaient pas disparu en même temps. C'est lequel des deux qui a disparu en premier ? Jeffrey, celui qui ne travaillait pas. Ouais, mais c'est Victor ou Alexander ? Ah, Alexander était celui juste avant Eric. Et Zaz a disparu en dernier. Donc il y en a. Attends, il y en a quatre en fait, je me suis gouré. Non. Non. Il y a, c'est qui il y a, le deuxième ? Dans les disparus, il y a deux ouvriers, un patient. Et dans les morts, il y a deux patients. Mais du coup, là, pour l'instant, il nous reste encore un patient disparu dont on n'a pas encore entendu parler, sinon on a le nom de tout le monde. C'est celui qui avait disparu en même temps que Alexander. C'est ça. Donc pour le moment, j'ai, si on compte juste les disparitions, hein, Jeffrey, on sait pas qui, Victor, Alexander, Zaz. Je te fais la chronologie si tu veux. Alexander, il a disparu en même temps que l'autre patient qu'on connaît pas encore. Il y avait pas un Victor ? Non, c'est un Eric. Victor, c'est Victor Zaz probablement. Ouais, Victor Zaz. Ah. Voilà. La chronologie que Madame la Harpie vient d'envoyer est la bonne. D'accord. Je vais demander à vous trois de faire, s'il vous plaît, un jet d'attention. Ok. 10. Ah oui, pas mal. Je suis 50. Ok. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais je fais tout le temps 50. 90. Mais je suis très bon. Ok. Je suis très fort. Alors, vous remarquez, tous les trois en réalité, peut-être à des degrés un peu différents, que monsieur Jack Napier, donc ce fameux chef de projet, enfin chef de chantier, chef de projet, a l'air assez inquiet, pour être honnête. La nature de cette inquiétude est encore inconnue à vos yeux, mais assez inquiet. Vous voyez que ses yeux passent rapidement de l'un à l'autre, il a l'air de suivre très attentivement la discussion que vous avez. Et plus que ça, il a l'air presque d'hésiter à faire ou dire quelque chose. Difficile de savoir encore une fois la nature de cette hésitation. Je vais essayer de prendre une voix mielleuse au possible, me placer à son niveau et lui dire « Monsieur Jacques, vous nous avez été extrêmement utile. Maintenant, des vies sont probablement en jeu encore à l'heure actuelle. Nous avons peut-être une chance de sauver vos collègues. » Alors, si jamais vous avez la moindre information supplémentaire que vous devriez ou pourriez nous dire, ne prêtez pas attention, ce sont des bruits dans les canalisations. Ouais. Surtout, il est de votre devoir de le faire. En tous les cas, vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'y a pas de fausses informations, il n'y a pas de questions ni de réponses idiotes possibles. Tous les éléments sont importants afin de constituer le puzzle qui permettra de sauver vos collègues. D'accord. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de pouvoir. 14, et je suis très bon. Très bien. Donc tu vois qu'il te regarde un peu, il regarde les autres, il fait « Bah, en fait, je sais pas si c'est vraiment si utile que ça, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. C'est que, justement, comme vous le disiez, les conduits d'aération ici portent très bien. Et j'ai cru entendre à plusieurs occasions, pendant la journée, quand le chantier était en cours, c'était peut-être des mauvais échos, après tout, on utilise des scies à métal, on utilise N'importe quoi, ça peut faire de mauvais échos, surtout dans ses conduits. Mais j'ai eu à plusieurs reprises l'impression d'entendre des cris, en fait, portés par ses conduits. Pas seulement des cris. Ça m'est arrivé hein, d'entendre aussi des patients s'énerver ou quoi que ce soit de loin, hein, évidemment, vu que je n'ai pas été voir, mais non. Là, c'était. Si c'était un patient, c'était un patient complètement taré, hein, mais si c'était pas le cas, en tout cas, c'était quelqu'un qui avait l'air d'être vraiment en panique ou qui souffrait. Voilà. Très bien, je vous remercie. Me dites à donc, quel monsieur. Niveau avez-vous entendu ces bruits exactement? À quel endroit? C'était au sein du manoir. Très bien, premier étage, rez-de-chaussée, j'imagine plutôt rez-de-chaussée peut-être. Vous avez souvenir de la salle où vous étiez? Je ne pense pas pouvoir vous en dire plus que ça. Je dirais que c'est aux alentours des cuisines. On nous a expressément demandé de refaire toute la structure de la cuisine, etc. Parce que ça avait souvent été utilisé par le passé pour. Enfin, c'était d'une brèche de sécurité évidente et on nous a demandé de le refaire. Donc, c'est surtout là, pour ce qui est du manoir, que nos travaux se concentrent. Très bien. Voilà. Mais tout ça, mon très cher monsieur Napier, vous savez, c'est parce que vous êtes trop tendu. Les disparitions vous stressent. Tenez, je vais vous donner un petit cachet de Neuleptil. Et vous m'avez ça maintenant. Et puis si jamais, vous n'hésitez pas à venir à mon bureau. Vous savez, ouais. Je vous ferai pas payer la consultation. N'est-ce pas? Ouais, mais c'est sûrement ça, oui, bah, vous avez raison. Tu vois qu'il prend ce que tu lui passes, et tu lui passes quelque chose, et il fait, bah, très bien. Est-ce que je peux vous aider plus que ça? Je suis pas sûr, mais... Victor? C'est moi qui bug, ou il y a plus personne qui parle? Non, il y a... Eh bien, travaillez bien, monsieur Napier, surtout. Très bien, bah, merci beaucoup. Alors. Vous proposez souvent, vous, des médicaments comme ça, des gens comme ça, dans votre hôpital? Oh, mais vous savez, je suis médecin. Oui, non, mais vous voyez, cet homme faisait très clairement de l'hypertension. Il était à un niveau de panique. Je lui ai donné un petit cachet, trois fois rien. D'accord, ok. Pourquoi vous en voulez? Non, ça ira, j'ai pas besoin de médicaments, moi. Ah, oh, mais vous savez, tout le monde a besoin de médicaments, un point ou un autre. Ouais, mais désolé, vous savez... je suis sain d'esprit, vous savez, donc j'ai pas besoin de médicaments, vous en faites pas. Ah, vous êtes un adepte des pseudosciences, peut-être, vous vous soignez avec des tisanes ou des infusions. Ah, je fais du yoga, par contre. Ah oui, je vois. Effectivement. Ouais. Vous invitez pas à comment que ça s'appelle New Gotham par hasard? Non. Je ah d'accord. J'habite dans une autre partie. New Gotham. Je vois. Bien, où est-ce que vous voulez aller maintenant? On va aller voir le cuisinier quand même. Eh bien, allons-y. Je vous suis, vu que c'est votre hôpital, monsieur. Monsieur Smile. Mon hôpital. Vous savez, vous n'êtes pas dans l'hôpital d'État Smile, du moins pas encore. Peut-être un jour. Ouais, peut-être un jour, ouais. Qui sait? Très bien. Donc, vous vous dirigez vers les cuisines du manoir Arkham. Cuisine donc, comme vous a prévenu indirectement ce cher ouvrier Jack Napier, ces cuisines ont l'air d'être en travaux énormément. Vous voyez que les murs ont été très récemment refaits, certains ne sont pas encore complètement terminés. Il y a certaines zones de la cuisine qui ne sont pas accessibles pour faire de la cuisine, il y a des... Il sent encore tout poussiéreux à certains endroits, donc la partie pour faire la nourriture est extrêmement réduite par rapport à ce que ça aurait pu être normalement. Dans ces cuisines-là, où se trouve aussi le fameux garde-manger dans lequel auraient été trouvés les corps, vous êtes accueillis par ce fameux cuisinier, Johnny Stelio, qui est tout simplement dans un coin de la pièce en train de lire un livre, a priori, et qui est en train d'attendre à côté d'un plat qui est en train de chauffer. En vous voyant arriver, il se relève immédiatement, il met son livre de côté, et il prend l'air de quelqu'un qui cuisine de manière très occupée, il cherche des ingrédients, etc. En regardant par-dessus son épaule dans votre direction pour voir si vous avez remarqué qu'il lisait un livre. D'accord. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il se tourne même pas dans votre direction, il continue à faire comme s'il était un peu occupé, et il regarde de nouveau vers vous, il dit « Je peux faire quelque chose pour vous ?» Oui, on a quelques questions à vous poser. Nous sommes les fameux détectives. Rien de bien méchant, bien sûr. Vous savez... Oui, enfin, quand même. Ah oui, mais vous venez pour les sacs à viande qu'on a trouvés? Pas les morts. Eh ben dis donc, vous parlez mal de vos collègues. Quel collègue? Non, pas du tout. Il parlait des ouvriers. Les ouvriers ne sont pas employés. Nous utilisons des sous-traitants, bien sûr. Enfin, personne n'a disparu. Non, je parlais des patients qu'on a retrouvés là dans le garde-manger. Ah, d'accord, oui, des patients. Oui, exactement. D'accord. Bon, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Moi, je sais pas grand-chose, hein. Ah, écoutez, et là, comment vous les avez retrouvés? Est-ce qu'ils étaient ligotés? Est-ce qu'ils étaient pendus? Est-ce que ils étaient attachés à l'un à l'autre? Non. Juste, on a ouvert la porte du garde-manger, ils étaient là, étalés en plein milieu. Étalés en plein milieu. Vous pouvez me montrer ce garde-manger? Oui, bah il est là. Tu vois qu'il fait quelques pas et il vous fait signe de le suivre. Il va vers une espèce de porte qui a l'air d'être un peu sécurisée de manière à ce que ça puisse pas être ouvert par n'importe qui, comme par exemple un patient dépressif ou quoi que ce soit qui se serait introduit dans les cuisines et qui s'enfermerait dans le garde-manger. Donc il déverrouille tout ça, il l'ouvre. Et vous avez accès du coup à ce fameux garde-manger où il y a plusieurs ingrédients comme l'air des boîtes de conserve, etc. Un peu de tout. Et au beau milieu, donc là de tout ça, il y a priori des marques au sol qui ont été faites de manière un peu amateur. C'est évidemment pas la police qui l'a fait vu qu'ils se sont tournés vers vous, l'Institut d'Arkham. Mais des marques qui ont été faites pour signaler a priori là où il y avait les corps. Alors c'est pas des marques qui dessinent des silhouettes ou quoi que ce soit, hein. C'est juste deux croix qui ont été mises sur le sol, à la craie. J'observe au niveau du garde-manger et je regarde, est-ce qu'il y a des conduits qui donnent dessus? Eh bien, je ne vais même pas te demander en réalité un jet ou quoi que ce soit, car c'est assez évident, il y a en effet un conduit dans cette pièce-là, un conduit d'aération, dont la grille est une grille, vous savez, le genre de grille vraiment très très fine par lesquelles on voit rien au travers ou quoi que ce soit. Et qui a plus un truc de climatisé plus que pour juste laisser passer l'air, mais qui est d'une certaine taille en effet. Je vais utiliser la fonction torche, lampe torche de mon mobile phone et essayer de voir à travers. Essayer aussi de légèrement tester la solidité de cette grille, voir si elle a l'air d'avoir été dévissée récemment, par exemple. Est-ce qu'elle est bien accrochée ou est-ce qu'elle tremblote un peu? Alors, je vais te demander un jet de attention pour commencer. 16. 16, très bien. Ouais, je fais de bons jets ce soir. Vraiment pas mal. Eh bien, pour commencer, pour ce qui est de la lumière, d'abord avec le téléphone, tu passes la lumière et tu ne peux pas voir au travers. En réalité, comme je viens de le décrire, la maille qui est sur cette truc d'aération est extrêmement fine et en fait, tu ne peux pas voir, simplement. C'est le genre de truc d'aération qui doit prendre très facilement la poussière. D'ailleurs, vu que ça ne laisse quasiment rien passer, mis à part de l'air. Pour ce qui est du reste, de vérifier la solidité, voir si c'est bien accroché ou quoi que ce soit, tu secoues un peu et tu vois que c'est bien accroché. Ça a l'air d'être quelque chose de d'assez récent, qui a été accroché récemment, qui est bien, enfin récemment entre guillemets, hein. C'est-à-dire de l'équipement moderne, quoi, pour ainsi dire. C'est pas des vieilles trucs d'aération d'il y a 20 ans. Et cependant, tu te rends compte que, et il y a un souci avec cette bouche d'aération, c'est qu'elle n'a pas été vissée de l'extérieur. Je n'y touche pas plus pour le moment, mais je continue de regarder à droite à gauche comme si de rien n'était. Moi, je regarde l'état psychologique du cuisinier. Et bien, pour ça, je vais te demander un jet. C'est un peu de pouvoir, mais pas vraiment, mais un peu de pouvoir. Vas-y. 98. Aïe. Eh bien, tu vois que cuisinier, en fait, tu es incapable de savoir ce qu'il dit. Pour être honnête, tu le regardes et t'as l'impression qu'il est absolument sans aucune émotion du moment. Rien de trans. S'il est inquiet, rien ne l'indique. S'il est heureux, rien ne l'indique. Si il est en colère, rien ne l'indique. Tout ce que tu vois, c'est qu'il a l'air d'avoir des yeux complètement morts. Et il vous regarde juste avec un air absolument pas passionné par ce que vous faites. Et il attend peut-être de savoir si vous voulez encore lui parler ou pas. C'est tout. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans sa tête. D'accord. Ok. Bon, je peux faire quelque chose de plus ? Non, ça ira, merci monsieur. Ah, pour ouais. Moi, après, qu'est-ce que t'en penses, toi, Dorothy ? Dorothy ? Eh bien, il y a quelque chose que j'aimerais, dont j'aimerais vous m'entretenir avec vous, mais il faudrait que nous excluions le cuisinier de sa salle. J'imagine qu'à cette heure-là, personne ne vous attend pour manger. Vous savez, nos patients peuvent manger à toute heure en fonction de leur traitement, mais ce n'est pas bien grave. Ils attendent 5 minutes. Excusez-moi. Excusez-moi. Mm-hmm. Prenez une pause de 5 minutes, s'il vous plaît. Ah bah j'ai un plat qui chauffe en fait et... Coupé. Bon. D'accord, oui, bah j'imagine, oui, de toute manière. Si crève de faim, c'est pas mon souci, c'est bâtard. Et il s'en va. Au revoir, monsieur. Il s'en va, il va couper le plat qui est en train de chauffer, voilà, et il quitte complètement la pièce. Il va prendre une pause clope ou un truc comme ça, il s'en va. Très sympathique. Oui, en effet. Je pense que... J'ai des doutes sur lui, mais... Qu'est-ce que t'en penses, Dorothy ? Oui, excusez-moi, j'étais en train de me battre avec une migraine qui me demande d'activer des touches permanentes lorsque je parle trop longtemps. J'aimerais vous faire part de quelque chose. Plusieurs fois, on nous a fait part de bruit à travers les conduits. Et voyez-vous, et à ce moment-là, je m'approche de la grille et je la décroche. Il semblerait que quelqu'un ait pu passer par ici. Peut-être pour déposer les corps. Nous suspections des membres du personnel. Moi, je soupçonne un intrus au sein de l'asile. En tout cas, c'est une piste à envisager. Oh, vous savez, un intrus qui serait... Mais il serait forcément passé par le pont, par la sécurité, par... Peut-être est-il bon nageur. Peut-être que nous ne sommes pas à Alcatraz ici, mais je vous déconseille de vous échapper à la nage, si jamais... Ou de... venir à la nage, en l'occurrence. Ou alors, peut-être, si je regarde ma frise chronologique, peut-être que Geoffrey serait revenu en douce dans la nuit, et ce serait libéré ici. Voyez-vous, quelqu'un qui voudrait s'infiltrer au sein de l'asile n'aurait aucun meilleur moyen, et quand je dis ça, je baisse le son, parce que je me dis que si on peut entendre les bruits à travers les conduits dans un sens, on va peut-être les entendre dans l'autre. Peut-être quel meilleur endroit où accéder que le garde-manger. Si jamais je veux rester vivre dans les sous-sols ou je ne sais quoi, dans les ailes. En pleine rénovation, il y a bien des ailes abandonnées, des endroits sous terre de vieilles caves, peut-être, dans lesquels quelqu'un se terre. Il remonte la nuit le long des conduits, se sert à manger dans le garde-manger pour survivre. Et peut-être règle-t-il ses comptes au passage. C'est une théorie, bien évidemment. Intéressant. En effet, après, vu comment il a parlé, des patients, pourquoi pas, oui. C'est un peu bizarre, quand même. Ce que je vous propose, c'est que nous gardions cela bien comme une simple hypothèse, que nous allions voir le patient numéro 56B et que nous revenions ici plus tard si cela ne donne rien ou si nous avons plus de raisons de nous rendre ici. Pourquoi pas. Allons-y. Eh bien, Monsieur Smile, je vous laisse nous conduire. À votre guise. Très bien. Vous reprenez donc votre petit tour du manoir d'Arkham et vous vous rendez donc à la chambre, comme nous l'avons dit, à la fameuse chambre A56B qui est au sein du manoir. En effet, de ce que vous avez compris, le manoir ne sert pas seulement au personnel de l'asile ou quoi que ce soit, il y a des parties entières du manoir, c'est un très gros manoir pour être honnête. Il est comparable presque à celui de la famille Wayne, hein, pour dire les choses. Donc il est assez grand. Et des parties entières du manoir sont dédiées simplement à des patients, notamment des patients qui sont considérés comme n'ayant pas besoin d'une sécurité très haute, qui n'essayerait pas de s'échapper ou qui n'aurait pas tendance à se planter le premier crayon qui passe ou ce genre de choses. Donc des gens qui transitent, qui passent seulement dans l'asile parce qu'ils ont une mauvaise période ou ce genre de choses. Vous vous rendez à cette chambre et première chose que vous vous rendez compte, c'est que cette chambre est gardée. À côté de l'entrée de cette chambre, il y a tout simplement un gars de la sécurité d'Arkham. Donc un garde, il n'est pas en tenue genre extrêmement de sécurité ou quoi que ce soit, il est juste en tenue personnelle d'hôpital psychiatrique, si ce n'est que à sa ceinture, il a tout ce qu'il faut pour se défendre. Il vous voit arriver et il se met directement devant la porte sans dire mot. Je sors le document que m'a signé le monsieur Gardner et je lui tends. Il regarde le papier, vite fait. Il jette un petit coup d'œil dans ta direction, David Smile, pour voir si tu approuves aussi leur présence. Oui, ne vous inquiétez pas. Il lui prend une inspiration un peu comme s'il était lassé ou comme s'il approuvait pas forcément le fait que vous ayez accès à cette personne. Et sans dire autre mot, il se pousse devant la porte et vous laisse passer. Pas très loquace a priori. Vous rentrez ? Moi je rentre. Je vais rentrer en premier. Très bien. Ok, tu rentres aussi. Ok. Donc vous rentrez tous les trois dans cette chambre. Donc cette chambre qui est aussi, il faut l'avouer, dans le même style que le reste du manoir d'Arkane, donc dans un style très gothique, un peu aristocratie, ce genre de choses. Enfin, aristocratie à l'américaine, on se comprend. Mais comme bien entendu, les décorations sont... Enfin, tout ce qui est meubles et tout ça ont été changés pour des choses qui sont sûrement plus sécurisées et pour éviter des soucis avec des patients potentiellement dont la santé se dégraderait au sein de pendant leur séjour. Et la seule personne qui se trouve dans cette pièce, c'est un homme qui doit avoir 40 ans. Il a l'air extrêmement aminci, pour ne pas dire complètement squelettique en réalité. Il a des cheveux courts, il a des lunettes rondes. Il n'a pas de pilosité faciale, mis à part ses sourcils. Et il est dans une tenue de patient, tout simplement, avec son petit numéro sur le côté. Et il est à une table qui est à côté de son lit, en train a priori d'écrire avec un stylo ce qui semble être des notes et des notes. Vous remarquez sur sa table, il y a une bonne quarantaine de carnets. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Oh, enchanté, je n'ai pas souvent de la visite. Installez-vous, Oui. je n'ai pas beaucoup de chaises, mais vous pouvez vous asseoir sur le lit si vous voulez. Bonjour, bonjour, Johnny, c'est ça? Non, Johnny, c'était le cuisinier. Okay. Non, il C'était s'agit. un test. Il Le s'agit. patient est conscient de son prénom, c'est noté. Exactement. Toi, David Smile, tu connais son nom parce que bon, tu ne t'es pas spécialement occupé de ce patient-là, mais bon, comme on t'a mis un peu sur le fait de surveiller cette équipe d'enquêteurs, enfin de surveiller, de guider cette équipe d'enquêteurs, tu sais quel était ce patient. Il s'agit de Alberto Falcone, aussi connu sous le nom de Holiday, qui est une personne assez instable psychologiquement, avec des troubles dépressifs, bipolaires, ce genre de choses, et qui aurait en réalité, dans une série de crises névrotiques ou ce genre de choses, se serait attaqué à sa propre famille, la fameuse famille Falcone, qui, personne ne l'oubliera, était autrefois la famille qui dominait le monde du crime à Gotham City. Bien, Alberto, je suis accompagné de personnes qui voudraient te parler, qui ne sont pas employées par l'Institut. Et donc, si tu le souhaites, tu peux te confier à eux. D'ailleurs, comment ça va aujourd'hui, Alberto? Eh bien, ça va très bien. Je pense pouvoir dire avec une certaine certitude que je suis dans ma phase manique. Donc, je vois la vie du bon côté, pour ainsi dire. Bien, c'est une bonne chose ça. Je vais le noter. Et alors, tu as bien pris tes médicaments ce matin? Ceux qui sont utiles, oui. Noté. Écoute, je te laisse avec ces messieurs. Enfin, je serai toujours là, bien sûr, si ça ne te gêne pas. J'ai quand même une dame aussi. Pas l'oublier. Oui. Une dame? Tu as vu? On laisse aussi les femmes te voir maintenant. Si tu continues à bien te comporter comme ça, peut-être qu'on laissera des animaux. Enfin, bref. On verra ça plus tard. C'est quoi ce médecin? Docteur Spall, vous êtes un vrai poète. Confirme. Vous voyez que du coup, ce cher Alberto se tourne vers vous et il dit, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi je ne souhaite pas discuter plus que ça avec le personnel. Oui. Je vois, oui. Le personnel. On va se demander si c'est pas eux qui sont aussi fous. Du coup, on va vous poser quelques questions, monsieur. Ça ne vous gêne pas, j'espère. Ça ne me gêne pas. Bien. Bien, bien, bien. Tu veux commencer, Dorothy, ou... Eh bien, faisons ça. Monsieur... Monsieur Falcon. On nous a récemment dit que vous aviez... dit savoir des choses concernant quelques incidents qui ont eu lieu à l'asile récemment. Ces derniers mois. Il y a beaucoup d'incidents au sein de l'Institut d'Arkham. Même dans les derniers mois. C'est-à-dire? Eh bien, n'ayez pas peur de parler de manière plus précise, en quoi je ne pourrais pas vous aider. Par rapport au meurtre? Allez-y. Qu'est-ce que vous avez entendu parler par rapport à ça? Eh bien, j'ai cru comprendre que quelqu'un s'amusait à abréger la vie de certains des patients. Vous savez qui c'est qui fait ça? Ou pas? Je ne sais pas. C'est dommage, puisqu'on pourrait nous donner quelques précisions. Je pourrais, oui. Vous avez des cigarettes? Oui, ah oui, tenez. Bon, c'est des petits cigares, mais je pense que c'est mieux que des cigarettes. Il y a moins de pétrole là-dedans. Alberto, il va falloir me promettre d'être très sage et de collaborer. Hein. Tu sais que c'est une entorse au règlement qu'on fait là, si jamais je lui laisse te donner ça. Je propose qu'on lui allume une cigarette quand on lui enfile. Oui. Moi, je lui mets dans la bouche, je te laisse l'allumer. Très bien, donc il vous laisse allumer la cigarette pour lui, du coup, et... Il prend quelques bouchées et il dit « Oui, évidemment, évidemment, je collaborerai du mieux que je peux. » Quand bien même, ce n'a jamais été une grande tradition dans ma famille. Dit-il en souriant un peu à sa propre boutade. Alors, on vous demande sérieusement de bien travailler avec nous, s'il vous plaît. Évidemment, évidemment. Comprenez, ça c'est beaucoup plus compliqué si on vous donne une cigarette et que vous, comment dire, et que vous nous aidez pas, vous savez. C'est très compliqué pour vous, honnêtement. Depuis que je sais des choses, ils m'ont changé de chambre et maintenant, regardez, je m'en sors assez bien. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me fassent si je refuse de collaborer? Mais je vais le faire, je vais le faire. Vous avez quand même donné des cigarettes. Vous savez. Bon, qu'est-ce que vous en savez de tout ça? Expliquez-nous de tout. Dites-nous tout sur ce que vous savez sur les meurtres et on vous posera d'autres questions. Très bien. Bien, je dois avouer que c'est difficile de savoir par où commencer. Vous doutez bien que c'est une affaire extrêmement compliquée. Tout est compliqué de toute manière ici. Pour commencer, je l'ai aperçu, votre coupable. D'accord. Il faisait nuit, évidemment, et je n'avais pas vraiment de lumière. Je n'étais pas dans cette chambre-là. En réalité, comme je vous l'ai dit, ils m'ont mis dans cette chambre depuis que j'ai vu quelque chose. Avant ça, j'étais dans la partie pénitentiaire de l'asile. Je l'ai aperçu dans le noir et je dois vous dire qu'il ne m'a inspiré rien d'humain. Je dirais même qu'il serait plus proche d'une araignée. avec des mouvements lents. Et ses jambes, honnêtement, ses jambes bougeaient comme on imaginerait bouger les pattes des araignées. Mais ce qui m'y a fait le plus penser, c'était son regard. Je n'ai pas vu son visage ou quoi que ce soit, mais il a porté sur sa tête Oui. des lampes, ou ce genre de choses peut-être. Il en avait une série de quatre, là où on pourrait imaginer que son front se trouvait. Ce qui m'a fait penser à une araignée simplement et ses nombreux yeux. D'accord. À moins que ça ait vraiment été ses yeux. Après tout, on ne sait jamais ici. En effet, en effet, en effet, en effet. Et tu avais bien pris tes médicaments ce soir-là. En effet, j'avais pris mes médicaments, mais de toute manière, les hallucinations n'ont jamais été parmi mes symptômes. Oui, c'est... Oui. Vous avez des doutes, monsieur Smile. Mais non, pas du tout. Je veux dire... C'est tout à fait sensé ce que tu nous dis là, tu en as conscience, n'est-ce pas? Oui. Le personnel de l'institut a tendance à me prendre pour quelqu'un de bien plus diminué que ce que je ne suis. Ils ne peuvent pas s'imaginer que quelqu'un de sain d'esprit se serait attaqué volontairement à sa propre famille et à la famille Falcon. Je peux vous dire que c'était parfaitement volontaire, ça n'avait rien à voir avec mes problèmes émotionnels. Je ne suis pas fou, je n'ai pas d'hallucination et tout ce que je vous dis, je l'ai vu. D'accord. On va regarder son état psychologique. Du coup, je fais quoi comme jeune? De attention, on va dire. Je fais Ah, c'est du 25. pouvoir, c'est pouvoir en réalité, mais bon. Oui. Je fais 25. Ok. Et tu as. Ok, très bien. Tu vois que tu le regardes et tu vois qu'il a l'air, comme il le dit, assez stable. Vous avez pas l'impression, tu n'as pas l'impression qu'il cache quelque chose. Tu n'as pas l'impression qu'il soit dans un autre monde ou quoi que ce soit. Il a l'air assez capable, maître de ses capacités. Cependant, tu vois qu'il prend quand même. Tu le vois au petit coin de sa bouche à certains moments, au pétillement dans ses yeux. Il prend quand même un malin plaisir à mener la discussion, à savoir que vous êtes pendu à ses lèvres, à savoir que tout ce qu'il dit, vous allez l'analyser, ça va vous tourner dans la tête. Il aime cette position de pouvoir qu'il a. D'accord. D'accord. Très bien. Si jamais vous le dites vraiment et que c'est vraiment la vérité que vous dites là, vous pouvez me faire un dessin à peu près de ce que vous avez vu ou pas? Ah, est-ce que vous en êtes capable, c'est surtout ça. Alors, je ne suis pas un artiste, malheureusement. Pour qui ça nous servirait simplement. Je ne pense pas pouvoir vous aider. Honnêtement, imaginez simplement une ombre avec des yeux, et c'est tout. Quatre yeux. Non, vous savez que ça peut être une personne lambda qui peut avoir potentiellement des lampes comme des gardiens. C'est possible. Vous me dites que c'est potentiellement des gardiens. Cependant, ah, c'est ce que vous dites vous, cependant, ça ne pouvait pas être un gardien faisant sa ronde, car il se serait simple. Car je l'ai vu se saisir de Monsieur Zaz. Soyez plus explicite. Eh bien, depuis ma cellule, je l'ai vu s'avancer dans l'ombre jusqu'à la cellule de Monsieur Zaz, qui est celle en face, à droite de la mienne. Je l'ai vu ouvrir la porte et je l'ai vu repartir ensuite avec Monsieur Zaz sur ses épaules. Mais comment a-t-il ouvert la porte? C'est une bonne question. Vous dites donc que c'était dans l'aile pénitentiaire? C'était dans l'aile pénitentiaire, en effet. D'ailleurs, est-ce que vous savez ce qu'il est advenu de Monsieur Zaz? Son corps a été retrouvé. Ça ne vous concerne pas. Un de vos amis? Non, je n'ai jamais vraiment discuté avec lui et c'était un homme brutal et, pour être honnête, absolument loin d'être assez cultivé pour avoir une discussion intéressante. C'est un homme. Si vous le dites. Bien dommage. C'est bien dommage. Merci, hein, en tout cas, à moins que ma collègue veut vous poser d'autres questions. Quel était le numéro de votre ancienne cellule? J'aimerais retracer l'itinéraire. Il s'agissait de la cellule C4 991C. Très bien, je vous remercie. J'imagine que vous avez peut-être un paquet de cigarettes. On sent. Qu'est-ce que tu as dit de Monsieur Smile? J'ai dit non. Ah. Toute contrebande est interdite au sein de l'asile, tu le sais très bien. Je le sais très bien, mais ça concerne aussi tout le personnel. Cependant, ce n'est pas forcément quelque chose qui est respecté. Alors pourquoi pas faire une entorse pour moi? Parce que nous avons déjà été généreux avec toi. À part si tu as d'autres choses à nous dire, peut-être. Je pourrais être bien plus généreux. Attention, si jamais tu nous mens, je te renvoie en pénitentiaire. J'apprécie assez mon nouveau confort pour ne pas le mettre en jeu. Bien. Donnez-lui le paquet. Je lui donne le paquet, du coup. Très bien. Du coup, il se saisit du paquet, il le met dans un coin de sa table, et il vous dit « Ce n'est peut-être qu'une intuition, mais je pense que la disparition de Monsieur Zaz avait sûrement à voir avec le fait que il devait être officieusement libéré. » Comment ça? Oh, eh bien, je suis sûr que Monsieur Smile ici dira le contraire, ou peut-être qu'il n'est pas au courant, mais beaucoup de patients se retrouvent de nouveau dans les rues dernièrement. D'accord. Vous avez quelque chose à dire, Monsieur Smile, de tout ça? C'est tout à fait fantaisiste. Je ne sais pas ce que vous insinuez là. Et ça se saurait si jamais c'était vrai. Eh bien, simple proposition de ma part, mais si vous voulez vérifier cela, allez simplement poser la question à monsieur quiconque est en charge en ce moment et demandez-lui pourquoi la cellule à côté de la mienne a elle aussi été vidée. Cette fois-ci, pas par votre araignée, mais par le personnel, malgré le fait que son occupant n'était absolument pas censé revoir la lumière du jour à aucun moment de sa vie. Eh bien, sache, mon très cher Alberto, que tout le monde a droit à la rédemption, et que ce n'est pas à toi de juger si t'es, comment dire, colocataire, enfin, je ne sais pas comment vous appelez entre vous. Non, ce n'est pas vraiment le bon terme, mais bref. Que tes petits camarades sont guéris ou pas, ce n'est pas à toi de le décider, et que si jamais l'Institut de santé d'Arkham a décidé de le libérer, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. J'imagine que nous aurons la réponse à Halloween, vu que c'est dans quelques jours. Lui qui aime tant les dates et les événements. Qui ça, lui? Qui ça, lui? Mon cher voisin de cellule. De nom. De nom Julian Day, connu aussi sous le nom du Calendarman. Ça vous dit peut-être quelque chose? Non. Alors, un individu bien peu fréquentable qui a la fâcheuse habitude de vouloir fêter toutes les dates importantes avec du sang. Et qui est donc la fameuse personne qui a été libérée officieusement? Donc, comme vous nous dites, c'est que tout l'hôpital et le pénitencier est probablement en lien avec ces meurtres et ces disparitions. Ah, vous en tirez les conclusions. Vous Qu'est-ce que vous insinuez là? C'est fini. Tout le monde sort. Ça a été avec plaisir de vous rencontrer. Je prends le paquet de cigarettes. Tu vois qu'il ne proteste pas spécialement, mis à part en soufflant de frustration, mais il ne fait aucun geste ou quoi que ce soit. Et vous pensez que c'est une bonne réaction, monsieur Smile? Infirmier? Vous voyez que du coup, le mec qui est devant se remet devant la porte, enfin vous fait sortir, vous fait éloigner de la porte et se met devant. Est-ce qu'il y a un infirmier dans le couloir? Oui, tu y en a sûrement un qui passe, oui, dans le coin. Infirmier? Oui, monsieur. Oui, docteur Smile? Triplez les doses pour monsieur Falconet. À partir maintenant. Très bien, d'accord, surtout monsieur. Traitement. D'accord, monsieur. Bien. Je suis pas médecin, mais vous allez tripler les doses. Exactement, vous n'êtes pas médecin. Oui. Mais à ce que je vois, et je pense que même madame Dorothy ici présente, on va me confirmer mes dires, mais si vous voulez faire ça, ça veut dire que... C'est un problème d'autorité. Vous avez un problème d'autorité, monsieur. Non, j'ai pas de problème. Vous savez, j'ai interdit des personnes pour bien moins que ça. Je vous demande pardon. Autant poursuivons, si vous voulez. D'accord. Je regarde Dorothy d'une manière très étrange et me demandant qu'est-ce qu'on fout ici. Non, simplement, monsieur, je pense que les informations de monsieur Falcon n'étaient pas inintéressantes. Cependant, il a dû légèrement exagérer certaines choses sous la prise de certaines fortes doses de médicaments, par exemple. Oui, je pense que nous avons tracé l'itinéraire qu'il nous a donné pour confirmer si oui ou non c'était bien cela. Et si ces derniers sont cohérents, et d'où pourrait provenir la personne qu'il nous a décrite, celle qu'il a confondue avec une araignée. Et peut-être que là, en finissant vos triples doses, là, vous tuerez votre patient. À vous de réfléchir. Après, si vous voulez avoir des problèmes avec la justice. Pardon? Bah oui. J'ai pas bien compris. Si vous voulez avoir des problèmes avec la justice et avec votre directeur, monsieur. La justice, c'est nous, monsieur. En plus d'être un établissement de santé, nous sommes un établissement pénitentiaire. Donc si jamais vous avez un problème, eh bien, j'en sais rien, moi. Portez plainte? Qu'est-ce que je vous dis? Je vais prendre note. Quelle est la suite des événements? Eh bien, comme dit, je retrace cet itinéraire pour voir s'il est cohérent et s'il m'amène à certaines déductions. Ok, ouais. Donc tu veux aller à son ancienne cellule, c'est ça, pour voir ce qu'il a... D'accord. La cellule numéro C4-99-1C. Très bien. Donc, vous quittez le manoir d'Arkham. En effet, donc c'est dans la zone pénitentiaire, c'est dans le pénitencier. Et vous prenez un espèce de petit véhicule que Monsieur Smile sûrement conduit, vu que c'est un des véhicules de l'Institut. Et vous vous rendez au pénitencier, devant lequel il y a beaucoup plus de gardes que devant le reste des bâtiments de l'Institut. Des gardes qui, pour certains, sont même en tenue assez protégée, pour ainsi dire. Ça ressemble presque à des gardes de prison en état d'urgence, avec presque des armures du GIGN ou quoi que ce soit. Mais vous passez les portes, vous êtes refouillé à nouveau, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Et on vous explique rapidement, Dr. Smile du coup vous explique un peu, et d'autres docteurs aussi, que cet asile, que cette partie de l'asile est séparée en plusieurs sections, pour des raisons de sécurité, pour éviter que s'il y a un problème, toute la prison ne soit pas touchée par les problèmes qui puissent être trouvés, que donc il y a des accès différents, etc. Et qu'on vous ouvre l'accès à cette partie de la prison, mais seulement à celle-ci. Vous rendez ensuite devant la fameuse ancienne cellule d'Alberto Falcone, dont la cellule voisine est en effet vide, et qui est et en face de cette cellule à droite se trouve la cellule de Monsieur Zaz, une de vos victimes. Enfin, une des victimes que vous avez. J'inspecte la cellule. Il y a des vidéosurveillances, du coup. Il y en a. Est-ce qu'il y a possibilité d'interroger les gars de la sécurité là-dessus? Oui, c'est possible. Du coup, je vais aller leur demander si jamais ils ont les enregistrements de la nuit ou de cette cellule, tout ça. Enfin, si on voit la cellule de Zaz sur les dernières semaines. Le chef de la sécurité de ce secteur de la prison, qui est Aaron Cash, un type afro-américain qui est un des rares gars qui était de l'ancienne équipe qui n'a pas été renouvelée depuis que Gardner a pris la suite de Quincy Sharp, t'indique que, tout simplement, nous avons en effet l'accès à la vidéosurveillance, on peut vous la donner, cependant il n'a pas fonctionné lors de la nuit que vous avez demandé dans ce secteur là. D'accord. C'est le de ce que je sache, c'est le seul secteur qui a eu des problèmes de vidéosurveillance durant cette nuit. Mais j'avais des hommes qui faisaient le tour, donc si vous avez des questions, je peux y répondre. Et vous, aucune, enfin, quand est-ce que la disparition de Monsieur Zaz a été constatée? Elle a été constatée au petit matin. Victor Zaz n'était pas le genre de patient à être si bruyant que ça la nuit, alors son silence n'a pas été source d'inquiétude. Mais d'après le dernier garde qui serait passé et qui l'aurait aperçu dans sa cellule, la disparition a dû avoir lieu après minuit. Donc entre minuit et 6h du matin. Monsieur Zaz devait être relâché bientôt? Oh grand Dieu, non. À moins qu'on ait mis des gens encore plus fous à la tête de notre institut, et je ne pense pas. Ah non, c'était un cas perdu. Mais je plaisante, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Donc, au niveau des conduits sur J'imagine que tout est ici fait en sorte que personne ne puisse circuler dedans ou... En effet, les conduits d'aération qui sont liés aux cellules sont des conduits d'aération spécialement étudiés pour être trop fins pour que quiconque puisse y faufiler. En tout cas dans les cellules qui ont le droit à des conduits d'aération, dans certaines ce serait trop risqué. De toute manière, les conduits d'aération, que ce soit ceux des cellules ou ceux des couloirs, qui eux sont plus larges, sont traités secteur par secteur, ils ne sont pas tous reliés ensemble. D'accord. Et en l'occurrence, pour ce secteur-ci... Pour ce secteur-ci, si je devrais m'imaginer quelqu'un rampant dans les conduits ou je ne sais pas... Ça ne peut pas se faire pour se amener en cellule, mais dans les couloirs, j'imagine que quelqu'un d'assez fin pourrait le faire difficilement. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Cash. Bon, je retransmets, bien sûr. Bien. Ceci. Très bien. Donc tu retransmets de votre côté les inspecteurs, les détectives privés. Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec toutes ces cellules, toutes ces nouvelles informations? J'entendrais bien dans la cuisine. Ah, ça voudrait dire que tu quittes le pénitencier à nouveau, tu vas dans le manoir. Ok. Si quelqu'un d'autre a une autre piste, c'est... Mm-hmm. Tu voulais faire quoi, Pierce? Moi, je voulais juste regarder la cellule, comment elle était faite, et s'il y avait des problèmes au niveau de sécurité de la cellule. Allez-y. Ouais. Tu vois que les trois cellules dont on parle, donc que ce soit celle de Alberto, que ce soit celle de Zaz, ou que ce soit celle de Julian Day, ce sont toutes des cellules extrêmement simplistes, où il y a quasiment... rien dedans en réalité, mis à part des lits et quelques équipements pour s'asseoir, une petite table, etc. Il n'y a même pas de traces comme quoi ils pourraient avoir accès à des stylos ou quoi que ce soit, peut-être même qu'ils n'y ont pas accès, c'est bien possible. Mais après, pour ce qui est de la sécurité, il n'y a absolument aucune ouverture sur l'extérieur. Le conduit d'aération que tu vois est le genre de conduit d'aération, vous savez, dans lequel on pourrait juste mettre un bras, quoi, si on arrivait à le dévisser. Donc ce serait compliqué de... que quoi que ce soit se passe. Okay. Ça t'a l'air assez sécurisé en tout cas. Maintenant, je vais te demander un jet d'attention s'il te plaît, mon cher Pierce. 29. Ok. Eh bien, lorsque tu t'attardes un peu sur la cellule de Victor Zaz, donc celui dont le corps est à la morgue, tu remarques au sol une espèce de tache qui a l'air d'avoir été nettoyée à la serpillière avec des produits, etc. Mais une tache qui est sur le côté du lit, qui est une tache a priori comme si t'es, disons... Alors t'as du mal à imaginer, mais peut-être de la moisissure ou peut-être des vomissements ou quelque chose... qui aurait été nettoyé, mais pas encore assez. Bah, tu sais, j'essuie... Je vais, tu sais, essuyer juste, tu sais, comme ça, avec un mouchoir. Mm-hmm. Et le mettre, tu sais, dans un petit truc plastique, et me le mettre, tu sais, dans une des poches intérieures, pour éviter qu'on me le vole. Mais je vais essayer de le faire discrètement. D'accord. Très bien. Tu vois ce que je veux dire? Bah. Ouais, je vois. Je vais... je vais pas te demander quoi que ce soit, on va dire que c'est faisable. Ok. Très bien. Donc, pour la suite des événements, si j'ai bien compris, vous voulez retourner aux cuisines, c'est ça? Ouais. Ouais, on va faire ça, du coup. Ok. Vous quittez à nouveau le pénitencier. Bien heureux d'ailleurs de le quitter, car il faut avouer que il lançait des stupeurs, des frissons. C'est un endroit qui ne fait pas spécialement plaisir, notamment quand on pense à toutes les autres personnes qu'il y a dans d'autres secteurs de la prison des personnes, comme notamment peut-être l'épouvantail qui a fait une attaque terroriste sur la ville il n'y a pas si longtemps que ça, au final, quelques années à peine. Et d'autres figures emblématiques de la ville, c'est pas le genre d'endroit dans lequel on apprécie de rester, surtout sans être armé comme vous. En tout cas, vous reprenez votre véhicule et vous allez de nouveau au manoir d'Arkham. De nouveau dans les cuisines où vous retrouvez à nouveau le cuisinier d'ailleurs, Johnny Stelio, qui est dans un coin de la pièce, qui est en train de fumer à une des fenêtres en tapant du pied. D'accord. Tout va bien ? Hmm ? Ah, c'est vous ! Ça va, oui, pas de soucis. Vous n'avez pas l'air en forme. Comment vous voulez être en forme quand vous bossez ici ? C'est vrai qu'on a cette culture du crunch. Pour le médecin, quand même. Peut-être un peu de Prozac Non, j'ai tout ce qu'il faut à la maison, vous inquiétez pas. Ah, je vois. Bon, vous veniez pour me parler ou je dois encore prendre une pause ? Santé. Ok. Bah, il se barre à nouveau, du coup. Avec un air toujours un peu résigné. Je referme la porte, j'ouvre la grille et j'utilise mon téléphone avec l'application lampe torche à l'intérieur. Tu ouvres la grille, tu utilises ta lampe, tu regardes à l'intérieur et tu vois que c'est du coup en effet le genre de conduit dans lequel on pourrait se faufiler en tant qu'être humain. Cependant, il faudrait s'y déplacer de manière couchée et même en étant couché, on y serait extrêmement serré. C'est pas les grands conduits qu'on voit dans certains films dans lesquels on peut se déplacer à genoux ou quoi que ce soit, c'est quand même assez fin. Mais tu t'imagines bien quelqu'un pouvoir le faire et peut-être même pouvoir s'y retrouver bloqué. Si du son conduit par ici, il y a peut-être quelque chose à aller y voir. Victor, après vous. Je passe devant. Très bien. Victor, tu t'enfonces un peu dans ce conduit d'aération, du coup, sous les demandes de ta collègue. Je suis pas très tranquille, mais bon. C'est... Ouais. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet de dextérité. Et voir comment tu te débrouilles. Ouh. J'ai bon, j'ai que 90. 90, waouh. Ok. Du coup, tu rentres et tu te dis déjà immédiatement, j'ai peut-être un peu trop de carrure pour y être à l'abri. T'essayes d'avancer un peu, tu te cognes la tête, tu cognes une épaule et tu commences à te dire que si tu continues, jamais t'en ressortiras. Du coup, je rebrousse chemin, je leur demande de sortir et que quelqu'un d'autre passe devant moi, qui soit beaucoup plus fin. Ils n'ont pas le temps, voyons avancer. Je ne peux pas, je vais rester bloqué. Mais non. Mais je vous dis que si. Entre le docteur Smile et moi, c'est qui a la carrière la plus fine ? C'est moi, j'imagine, si j'en crois l'image qu'avait postée Antoine. Ouais. C'est bien possible, en effet. Ouais, ce serait sans doute toi. Bon, eh bien, comme à la guerre, c'est les femmes qui vont tout faire. Allons-y. Je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui le dites. C'est juste que je m'accarreur. Je vais te demander, à toi aussi, Dorothy, un jet de dextérité. Tu peux pas rentrer, c'est cool. Et Monsieur Smile, vous pouvez vous exprimer, si vous le voulez. Vous savez, Victor, le surpoids est un facteur de dépression. Non, j'ai pas besoin de vos médicaments, après. 86. Waouh. Très bien. Du coup, tu t'enfonces un peu et tu te dis que en fait il faudrait peut-être même quelqu'un d'encore plus mince que toi. T'as presque l'impression qu'en fait pour s'y glisser, maintenant que t'es à l'intérieur, tu te dis pour s'y glisser il faudrait vraiment être soit un contorsionniste, soit être vraiment quelqu'un de squelettique. Et tu es presque sûr que du coup, si tu continues à avancer, il y a bien des chances que si tu tombes sur un cul-de-sac ou quoi que ce soit, tu ne seras pas capable de reculer. Je tente de forcer quand même. D'accord. Alors. On va rester coincé. Écoutez, si après ça, je discute un petit peu, si après ça, nous ne trouvons rien d'intéressant, nous pouvons toujours retourner voir leur chef et leur faire chanter par rapport aux informations que nous avons découvertes. Je suis sûr que Monsieur Smile est très heureux d'entendre ça en écho dans tout le conduit. Du coup, tu forces un peu et tu arrives à trouver une position dans laquelle en fait, c'est même plus que tu rampes, c'est-à-dire que tu es allongé et tu utilises juste tes pieds pour te projeter par petits à-coups, peu à peu dans le conduit, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Regardez, mon mari était pompier, il m'a montré ça toute sa vie. Voilà. C'est un peu pathétique à faire, à vivre et à observer pour ceux qui sont derrière. Mais ça fonctionne. Il n'y a rien de bien sensé, c'est comme en gymnastique. Je l'appelle, je suis payé. Hey Dorothy, peux me regarder s'il te plaît? Je ne peux pas tourner, il faut que je trouve une issue, c'est mon seul espoir. Sinon, sortez et appelez les secours. Je prends une photo et j'envoie sur le groupe WhatsApp des enquêteurs. Regardez, Dorothy, elle est coincée. J'ai pas la marge pour dégainer mon téléphone et regarder la photo. Non, ça risque d'être compliqué. Bon, du coup, tu continues à avancer. Tu es la seule, du coup, à t'y aventurer, techniquement, parce que pour Monsieur Smile, c'est absolument sûr que ça serait impossible. Sauf si Monsieur Smell me dit le contraire et qu'il veut quand même tenter. Oh, vous savez, moi... Je suis vieux. Ouais, très bien. Oui, cette envie est un signe aussi de dépression. Vous devez prendre votre propre médicament un jour. Je vais tenter d'aller jusqu'au bout. Si vous n'avez pas de nouvelles d'ici une heure, appelez les secours. Très bien. Et c'est une très bonne idée, d'ailleurs, de dire ça, car je vais demander, si vous le voulez bien, à Pierce et Monsieur Smile de se déplacer dans le salon casse-prison pour ne pas entendre ce qui va se passer. Dorothy, enfonce dans les conduits, dans ce conduit qui tourne à plusieurs reprises, tu gères un peu le fait de se tourner du mieux que tu peux. Et tu commences à te dire que ça y est, t'as pris l'habitude, tu comprends comment il faut faire pour se déplacer du mieux que vous pouvez. Très bien. Et tu finis par arriver à un espèce de carrefour entre deux conduits, un qui continue tout droit dans la direction dans laquelle t'allais et un qui part sur la droite. Je vais te demander un jet d'attention. J'ai fait 3. Oh ouais, il le... Ah oui, quand même. Ouais. Moi, c'est très extrême aujourd'hui, ce soir. Alors que tu t'arrêtes à ce carrefour, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant toi, et tu remarques, c'est quelque chose que tu aurais pu complètement rater et être complètement perdu, mais tu remarques que dans l'angle de ce conduit, dans l'angle qui fait que tu conduis tout droit ou à droite, il y a l'air d'avoir une espèce de grature, comme une espèce de grosse égratignure, avec un peu de la peinture jaune qui a l'air d'avoir été étalée, comme si... C'est pas genre un coup de peinture qui a été mis, c'est comme si un objet en ferraille, par exemple, peindu en jaune, s'était éraflé là-dessus, et avait du coup laissé un peu de sa peinture. Mmh. Et ça a l'air de partir, a priori, dans le sens vers le conduit qui part à droite. Eh bien, je vais suivre ce conduit. Très bien. Du coup, tu suis le conduit, tu pars sur la droite, tu refais encore un de ces tournants que tu maîtrises maintenant si bien. Et tu arrives assez rapidement à un autre tournant qui va encore sur la droite, donc t'as l'impression en fait de tourner en rond depuis que t'as pris ce tournant. Et en passant du coup dans ce conduit, tu arrives dans une espèce de petite pièce. En fait, le conduit mène directement à une espèce de petite pièce en brique qui a l'air d'être une zone comme une petite chambre peut-être qui aurait été murée. À une époque très ancienne, vu les toiles d'araignée et la poussière qui a l'air d'être dans l'air. Je le savais. Tu regardes un peu plus dans cette pièce et tu vois que il n'y a pas l'air d'avoir de meubles ou quoi que ce soit, ça a été complètement vidé. Mais en éclairant avec ton téléphone, tu vois qu'au sol, il y a l'air d'avoir plein de papiers dans tous les sens. Certains qui sont froissés, certains qui sont en bon état, certains qui sont pliés. Et t'en vois certains qui ont l'air d'avoir été méticuleusement rangés les uns en face des autres, comme une espèce de lignée de dossiers. 15% de batterie, il va falloir que je fasse vite. Eh bien, je descends et j'essaye du coup de regarder ce qu'il y a sur ces papiers. Notamment ceux qui sont méticuleusement triés. Très bien. Tu descends, tu mets donc les pieds dans tous ces papiers qui ont été mis un peu n'importe comment. Tu regardes un peu, tu vois que ça a l'air beaucoup d'être des papiers très anciens, comme des trucs qui auraient été écrits dans les années 1800 ou des trucs comme ça. Et qui ont l'air d'être des pages de journaux, des trucs comme ça. Mais ceux qui ont été méticuleusement triés ont l'air beaucoup plus récents. En réalité, ils sont extrêmement plus récents, mais ça a l'air d'être des dossiers de patients. Tu vois que le premier dossier est celui d'Alexander Rabinovitch, un des fameux morts. Qu'est-ce qu'il dit ? En effet, c'était celui qui avait disparu en même temps que le troisième patient, dont nous n'avons toujours pas le nom, je crois. Exactement. Ah si, non, Julian Day. Non, Julian Day, c'était le voisin. Ouais, c'est le joli. C'était le voisin de Alberto. C'est ça. Très bien. En effet, je consulte le dossier pour voir si j'y apprends quoi que ce soit. Tu regardes le dossier et tu vois que Alexander Rabinovitch était un pédophile. Et qui, a priori, n'était pas du genre à vouloir se racheter ou quoi que ce soit. Et que du coup, il était censé rester là pour toujours un peu. Lui aussi provenait de la zone pénitentiaire. Les pages ont l'air récentes. Ils ont l'air assez récentes, en effet. C'est un dossier récent. Tu vois est-ce que qu'il y a un moyen de rentrer ici en dehors du conduit ? Du coup, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je prends des photos. Je regarde les autres noms qui apparaissent en dessous. Je consulte les 10 premières pages et je vois s'il y a des noms qui me sont familiers qui apparaissent. Dire les différents dossiers qui ont été bien arrangés, tu veux dire les... C'est ça. Ok. L'autre dossier, celui que tu vois juste à côté, c'est celui de Victor Zaz. Donc fameux tueur en série qui s'auto-scarifie quand il fait des victimes. Et qui est donc votre autre victime. Encore un autre dossier. C'est celui d'un certain Frédéric Eisenhowy. Qui est lui aussi un homme qui a fait des morts dans son passage et qui était a priori schizophrène paranoïaque et qui malheureusement c'est la maladie qui l'a poussé à faire ça. Et ainsi de suite. Tu trouves un autre dossier qui est celui de Jonathan Crane, l'épouvantail. Et un autre dossier qui n'est pas un dossier de patient, qui est un dossier qui a l'air d'avoir été fait... La couverture est celle d'un dossier de patient, mais tu vois qu'à l'intérieur, il n'y a pas les pages d'un dossier de patient, il y a seulement des photos. Et ce sont des photos de portes de cellules, avec certains numéros et certaines annotations qui ont été mises, ces annotations étant les noms des patients qui sûrement sont dans ces cellules-là. Est-ce que je trouve le numéro C4991C ou du coup les numéros autour de ce dernier. Eh bien, tu trouves les numéros. Alors, le numéro que tu m'as donné, c'était celui de Alberto, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu ne trouves pas le numéro qui correspond à celui d'Alberto, Mais mais je peux. tu trouves celui qui correspond, par exemple, à la cellule de Victor Zaz, qui était donc juste à côté. Est-ce que je Enfin, trouve un numéro lié à quelqu'un, par exemple, que l'on ne connaît pas encore comme si pourrait, comment dire, si je pouvais en déduire un ordre de chronologique et savoir quelle allait qui sera la prochaine personne à être exfiltrée. Tu regardes et tu vois que les numéros qui ont été notés déjà correspondent aux autres dossiers qui sont présents aux côtés du. Donc il y a celui de Alexander Rabinovitch, celui d'un autre, etc. De tous les dossiers que tu viens de voir, quoi. Et tu remarques aussi qu'il y a le numéro de cellule de Julian Day, donc le voisin d'Alberto, celui qui Alberto dit avoir été libéré secrètement ou quoi que ce soit. Et tu vois aussi qu'il y a l'air d'avoir d'autres numéros qui correspondent tous à. Et qui sont annotés avec des noms, qui sont des noms de personnes. Certains t'en ont entendu parler, des gens qui ont forcément à chaque fois fait du mal. C'est-à-dire que ce sont pas des patients qui sont là parce qu'ils vont mal, ce sont des patients qui sont là parce qu'ils ont fait du mal. Question, tu m'as dit, Julien Day, il dit qu'il a été libéré. Oui, Alberto. Enfin, Alberto, en tout cas, prétendait que Julian Day, son voisin, avait été libéré secrètement par l'Institut. C'est ce qu'il Ok, avait dit. d'accord. Malheureusement, mon personnage devait être absent à ce moment-là. Ça C'est aurait ce qu'il été une bonne prétendait. idée de vérifier. Mais, c'est pas grave, je prends les Dans les... dossiers. Quand vous étiez aux cellules, la cellule était vide, je l'avais précisé. D'accord, ok. Autant pour moi, j'ai dû avoir quelques soucis de connexion sur moi. Je regarde rapidement les autres dossiers au sol et je fouille un petit peu autour, voir si je trouve quoi que ce soit d'intéressant, et sinon je remonte. Ok, je vais te demander un jet d'attention. Ça va décider de si on retrouve les 91. autres ou pas. Ah oui, d'accord. Ah mais non, c'est Génial. vraiment un extrême ou un autre, ça. D'accord, du coup tu fouilles un peu, t'essaies de trouver, mais tu trouves rien d'autre. Rien d'intéressant, rien de probable. Rien de probant. Tu récupères les dossiers avec toi ou tu les laisses sur place et tu t'en vas? Les prends avec moi, je les mets sous mon t-shirt, comme ça ils tiennent facilement. J'ai pas besoin de les tenir à la main pendant que je rentrais dans les grands. Tu peux me répéter ça? Je crois que j'ai bugué un peu. Ah, pas de soucis. Je les prends et je les mets dans mon t-shirt, enfin sous Ok. mon t-shirt, comme ça je peux avoir mes mains libres pour ramper sous les conduits et je les balade quand même avec moi. Ou alors tout simplement je les mets dans mon sac, je lui avais déjà dit que j'avais un sac. Ok. Je les plie et je m'en fous, je les plie, je les mets dedans. Ok. Donc tu prends tous les dossiers avec toi, tu les ranges sous tes habits et tu te remets à ramper dans le conduit. Tu avances, tu avances, tu avances. Tu reprends ce fameux tournant qui t'avait donné l'impression de tourner en rond. Puis tu reprends le tournant où il y avait la fameuse peinture jaune qui t'avait indiqué un peu la situation. Est-ce Et... que, oui. Oui? Est-ce que en face, l'autre endroit, du coup, l'autre direction, du coup, si je viens trianguler, ça donne plus ou moins en direction des cellules? Ça peut donner en direction Ouais. de certains couloirs, oui, où il y a des cellules. Est-ce que je vois une ouverture au loin ou est-ce que ça va Eh s'étendre sur une très grande bien, pour distance? te dire justement, c'est ce sur quoi j'allais embrayer. Très bien. C'est que au moment où tu prends ce tournant, tu jettes un petit coup d'œil du coup dans ce conduit que tu n'as pas emprunté, et tu ne vois en réalité rien, ou en tout cas rien qui ne ressemble à un couloir que ce soit. Cependant, tu observes quelque chose qui te fait paniquer. En effet, au long de ce conduit, dans la pénombre absolue, tu vois quatre yeux lumineux qui projettent de la lumière sur toi et qui se met à avancer dans cette direction dans une série de bruits métalliques. Ok, je panique complètement et je pars le plus rapidement possible dans la direction de mes amis en D'accord. hurlant. Aidez-moi! Aidez-moi! Très bien. Et je me dépêche, si possible, je donne des coups de pied en arrière et je tente de jeter des trucs, mon sac, mes talons, tout ce qui peut être possible. Ok. Très bien. Très bien, très bien. Vous, les autres, donc, Monsieur Smile et Monsieur Pierce, enfin, Monsieur, oui, Monsieur Pierce, vous êtes là? Oui. Très bien. De votre côté, du coup, vous avez attendu un petit moment, vous avez entendu cette chère Dorothy Harpier s'enfoncer dans les conduits, les petits bruits métalliques qu'il y avait, etc. Et puis vous n'avez plus rien entendu pendant un petit moment. Vous avez attendu. Je ne sais pas si vous avez échangé quelques mots, si vous avez dit des choses. Mais peu de temps après, peut-être un court instant en réalité, vous commencez à entendre de nouveau des bruits dans les conduits, comme si quelqu'un était décidé de placer. Puis un très court silence, et soudainement des bruits comme si quelqu'un se mettait à ramper à toute vitesse dans les conduits, suivis de hurlements. Ce sont les hurlements de Dorothy. Au secours! Je rentre dedans pour la récupérer, je demande à Dr. Smile de me tirer les pieds après. Sécurité! Sécurité! Je me mets sortir de la salle. Très bien, donc Monsieur Smile, du coup, tu sors pour aller essayer d'appeler la sécurité ou quoi que ce soit, tandis que Pierce, tu te jettes dans le conduit pour essayer d'attraper Dorothy en avance, tandis qu'elle, elle continue à... Tu la vois, tu l'aperçois foncer vers toi à quatre, enfin, en rompant dans les couloirs à toute vitesse, et tu vois que derrière Dorothy, il y a d'étranges lumières qui ont l'air de se rapprocher d'elle par derrière. Tu saisis Dorothy, j'imagine, par les bras, enfin, par tout ce que tu peux la saisir en avant, et tu la tires vers toi. Je vais te demander un jet de force. Ouch. Tu saisis Dorothy. Au même moment, Dorothy, tu te sens saisi du coup par les bras. Tu regardes devant et tu vois que c'est Pierce qui te saisit. Cependant, tu te sens aussi saisi par les jambes. J'essaie de débattre au niveau de mes pieds, donner des coups en arrière pour faire lâcher... Tu te débats, tu fais du mieux que tu peux. Je vais te demander, s'il te plaît, un jet d'effort de ta part. Tandis que toi, Pierce, du coup, tu tires, mais tu vois qu'il y a résistance. Tu vois que quelque chose est en train de tirer Dorothy par derrière. En effort, je suis mauvaise et j'ai fait 47. Ok. Du coup, tu te secoues, tu fais du mieux que tu peux, mais t'as l'impression que ces prises sont impossible à... Il est impossible de s'échapper des prises de cette chose. De ton côté, Pierce... Donnez-moi une arme, vite. Mais j'ai pas d'arme sur moi. Ils les ont gardées aux deux. Satan les garde. J'essaye de continuer à porter. Très bien, je vais te demander un nouveau jet de force, Pierce, et toi, Dorothy, un nouveau jet d'effort. Tandis que Monsieur Smile, Docteur Smile, vous êtes donc sorti de la pièce et vous cherchez la sécurité, c'est ça? Oui. Très bien, donc tu cherches un peu autour de toi, tu cherches à voir quelqu'un, et dès le moment où tu aperçois ce qui semble être un membre du personnel, qu'est-ce que tu lui dis? Vite, dans la cuisine, urgence, sonnez l'alarme, je sais pas. Je suis en train de lâcher prise, de plus en plus. Les cheveux ébouriffés, les yeux qui grossissent, je hurle de toutes mes forces, je débats mes jambes, mes bras, je tremble comme quelqu'un qui convulserait au sol. Très bien. J'ai fait 14. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Ah, Victor, tirez-moi plus fort que ça, soyez utile au moins une fois dans votre vie. J'ai été utile tous les moments où on a fait des enquêtes. Je la tire parce que j'ai fait 14. Très bien. Docteur Smile, du coup, tu viens d'alpaguer du coup un des gars de la sécurité du manoir. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement équipé avec une armure ou quoi que ce soit. C'est juste il est habillé comme un infirmier. Et il te suit avec un air un peu paniqué. Il n'a pas l'air trop comprendre ce que tu lui dis. Il te suit jusqu'aux cuisines. Jusqu'au fameux garde-manger dans lequel il y a le conduit dans lequel tes compagnons se sont enfoncés. Et tu vois qu'il panique, il sait pas trop ce que tu veux qu'il fasse, et il te dit « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui... » « J'ai appelé des renforts avec votre talkie, et aidez-la à sortir, il y a quelqu'un dans le conduit !» Donc il saisit son talkie, il dit « besoin d'aide dans les cuisines, quelqu'un coincé !» Et il se jette, lui aussi, dans le conduit pour choper les pieds de Pierce et les tirer en arrière, tandis que toi aussi, Pierce, tu tires toi aussi en arrière et tu emportes Dorothy avec toi. Dorothy, tu traverses du coup ce conduit à une grande vitesse, en paniquant complètement. T'as l'impression que t'es morte déjà 6 fois dans ce conduit. Et tu émerges dans le garde-manger, tu tombes au sol. Pierce aussi, tu tombes au sol. Le garde, lui, est un peu tombé au sol, du coup, toi aussi, en te tirant. Et vous vous rendez tous compte, les uns après les autres, ou même en même temps, il n'y a pas que Dorothy qui a été tirée hors du conduit. Devant vous, à quatre pattes, se relevant, se trouve une personne extrêmement maigre, recouverte de suie, de poussière, avec... sur la tête, un espèce de casque de chantier avec des lampes accrochées, allumées, qui lancent des lumières. Et à la main, une énorme clé à molette. Arrêtez-le! Arrêtez-le! Plaquez-le au sol! Sédatif! Sédatif! Je me jette sur lui, sur le mec. D'accord. Tu te jettes sur lui, tu es aussi accompagné du garde qui se jette sur lui au moment où tu dis arrêtez-le du coup. Je vais te demander s'il te plaît un jet de dextérité. Je me saisis de n'importe quoi, je lui jette à la figure. J'ai fait 8. Ouais non, alors par contre si tu me balances un truc dans la gueule aussi... Très bien. C'est sous le coup de la panique malheureusement. Très bien. Je lui prends ma chaussure à talons et je lui jette au visage. Très bien, donc Dorothy du coup tu prends une chaussure à talons, tu la balances dans sa direction... t'es pas sûr de savoir si tu l'as touché ou pas, t'es encore sous le choc en fait de tout ça. Mais t'as peut-être contribué d'une manière ou d'une autre. En tout cas, Pierce, tu te jettes sur le gars, tu te jettes vers lui, t'essayes de le plaquer au sol ou quoi que ce soit. Et le garde te suit dans ce mouvement, cependant le garde n'a pas des réflexes aussi efficaces que toi. Et le garde tombe au sol immédiatement car il vient de se prendre un coup de clé à molette en plein visage. Il s'étale au sol, dos au sol, tandis que toi, tu plaques le type contre un mur qui se débat et qui commence à, toi aussi, te frapper. Je lui fais un grand coup de boule dans la tête, avec mon crâne chauve. Est-ce que le garde avait une arme sur lui ? Là, en effet, il a une matraque, il a l'air d'avoir un taser, et cependant, il n'a pas d'arme à feu. Je me jette sur le taser. Ouais, mais vise bien, s'il te plaît, parce que tu... Ok, tu te jettes sur le taser. Docteur Smile, est-ce que vous faites quelque chose, vous, de votre côté ? Est-ce que j'ai pas une seringue de sédatif ? J'en sais rien. Tu en as très... Oui, tu en as sur toi, en effet, aucun souci. Il s'agit de Jeffrey Harpas. Jeffrey, rendez-vous. Et je vous laisse à la vision. Rendez-vous, je vous pique. Du coup, je vais te demander, Pierce, un jet, s'il te plaît, de constitution. Ok. Du coup, tu vois que tu lui assènes un premier coup. Tu essaies toujours de le garder, cependant, tu vois que, a priori, son coup de clé à molette a été très efficace, car lui, là aussi, il te donne un énorme coup. Tu sens la lourdeur, tu sens le métal, tu sens tout ce que tu veux dans le coin de la gueule. Et tu t'étales au sol. Tu n'es pas KO, mais tu es au sol et tu vois des étoiles partout. Je vomis. Ah, et tu dégueules, t'as bien la douleur. Tu peux être sûr et certain que si tu t'en sors en vie, tu vas à l'hôpital. Et aux urgences. Okay. Moi, il a l'air d'avoir une force surhumaine pour sa corpulence. Malgré tout, je le considère comme un maigrichon. Une fois le saser en mes mains, je lui pointe dessus et je lui crie, je hurle déjà pour alerter les gens aussi, mais pour essayer de l'effrayer. Va en enfer, saloperie ouvrière! Et je tire. Très bien. Pourriture ouvrière. Tu mets le taser en direction, tu tires et je vais te demander, s'il te plaît, un jet. Je sais, les tirs correspondent pas forcément à une compétence, mais on va dire que ce sera un jet de dextérité. Voilà. En tant que joueur, j'espère sincèrement rater ce test. 41, bon, ça va, mais je crois que je suis mauvais en dextérité. Moyen. Ah, je suis moyen, ouais. Ok. Donc avec le taser, du coup, tu le vises, tu tires et tu fais mouche. Le taser rentre en contact avec, enfin les, je sais pas comment on appelle ça, les projectiles, le truc du taser rentre en contact avec lui et vous le voyez se figer, ses muscles se raidir et vous le voyez tout simplement qui se fige, qui tremble. Et c'est le moment, si quelqu'un veut se jeter sur lui pour l'immobiliser ou quoi que ce soit, ce serait une bonne occasion. Moi je suis toujours en train de vomir. Ouais, toi t'es pas KO mais t'es pas en état. Mais je suis médecin, enfin. Je sais pas, j'essaie de lui plaquer les mains ou moins, un truc comme ça. D'accord. Je vais te demander un jet, s'il te plaît, de force. Ok. Alors, force. 18. En sachant que j'ai un moyen. Ok. Du coup, tu te jettes sur lui, t'essayes de lui plaquer les mains, de l'immobiliser du mieux que tu peux. C'était pas forcément un des plus des plus physiques des gens, enfin des plus prompts au combat. Mais tu te débrouilles assez bien, sûrement parce qu'en effet, il a été tasé, donc tu peux tu as l'avantage. Tu arrives à l'immobiliser du mieux que tu peux, tandis que toi, Dorothy, que fais-tu en voyant du coup que Monsieur Smile du coup immobilise ce bonhomme, mais il aura sûrement peut-être un peu de mal si le bonhomme se revient complètement à lui. S'il est de nouveau maître de ses capacités. Pour le sauver ou pour le tuer ? Si tu veux le tuer, tu peux le tuer, hein, mais... Non, franchement, je veux pas l'interroger. Donc il faut juste pour l'immobiliser, c'est ça, là il est pas encore mort. Enfin, il est pas encore KO, on va dire. Ouais, il est pas KO, il a été tasé, mais genre il est pas inconscient ou quoi que ce soit. Il va recommencer à lutter dès qu'il aura fini d'avoir le choc du taser, quoi. Est-ce qu'on entend les gardes qui arrivent? Vous entendez, vous allez entendre en effet des gens qui rentrent en éruption dans la cuisine. Maintenant... je ne sais pas, est-ce que tu te recules, est-ce que tu décides d'aider Monsieur Smile, c'est toi de me le dire, simplement. Je vais quand même aller, ouais, les en effet. Très bien. Donc vous vous jetez tous les deux, enfin vous êtes tous les deux du coup à présent sur cette étrange chose, cette étrange personne, cet étrange personnage, et vous l'immobilisez tandis que derrière vous les gardes sont en train de rentrer les uns après les autres dans le garde-manger. Il vous écarte assez rapidement et vous le voyez qu'il lui passe un zipper autour des bras, un zipper autour des jambes. Enfin, des tibias, quoi. Et commence un peu à essayer de lui passer un calmant. Enfin, de lui injecter un calmant. Et dans tout ce brouhaha, vous êtes presque jetés hors du garde-manger, les uns après les autres, tandis que toi, Pierce, du coup, un des infirmiers sont aussi là, et se te prennent en charge. Nous allons, si vous le voulez bien, faire une petite ellipse. Car les choses ne s'enchaînent pas immédiatement. Dans le cas de Monsieur Pierce, du coup, vous êtes amené dans la partie médicale d'urgence de l'Institut d'Arkham lui-même. Ils ne vont pas t'amener à l'hôpital de Gotham alors qu'ils ont tout ce qu'il faut pour s'occuper de toi ici. Ils t'y amènent et tu es pris en charge. Malheureusement, tu ne pourras pas participer au reste pour le moment. Ok. Mais... ce que je peux te dire, c'est que... fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. J'ai fait 15. 15, ok. Eh bien, tu as l'air d'avoir... on te dit assez rapidement que tu as été pris en charge assez rapidement. Et on te... bien sûr, on te met... on t'endort complètement, hein, mais tu... je peux te dire avec certitude que... tu t'en sortiras vivant. Et certainement extrêmement diminué, et peut-être même que, même de manière très sûre, tu devras peut-être mettre fin à ta carrière. Mais. Okay. Mais tu seras en vie. C'est déjà ça. De votre côté, Dorothy Harpier et Monsieur Smile, Dr. Smile, nous nous retrouvons de nouveau dans le bureau de Monsieur Gardener. Joshua Gardener, le client. Qui vous a demandé de venir, celui qui vous a demandé d'enquêter. Donc ce petit vieux un peu faiblard avec quelques poils sur le caillou un peu tremblotant, sûrement à cause de l'âge, qui vous regarde droit dans les yeux et qui vous demande cash immédiatement. Je veux savoir ce que vous avez appris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je lui sors les documents que j'avais trouvés. Eh bien, il semblerait que quelqu'un faisait évader différents membres de... de votre asile. Regardez, vous. Voici les documents. Mm-hmm. Oui, institut psychiatrique, pour être plus précis, comme dit monsieur, comme dit le docteur Smile. J'en ai que faire. Vous voyez que du coup, il répond qu'il est dans son couloir, hein, et sous-sol, et a bien failli attenter à ma vie. Écoutez, ce sont les risques du métier, non ? Alors, pour ce qui est de vos dossiers, je vois que ce sont des dossiers de nos patients, mais quel est le souci ? Quelle est cette histoire ? Eh bien, je vous explique en détail du coup le procès d'interrogatoire. Je suis sûr que je le fasse en roleplay ou si on peut gagner un peu de temps ou autre, mais globalement, je lui explique les conclusions qu'on en a sur un réseau interne qui servirait du coup à Rhodes à des membres et sur le fait qu'il serait, devrait probablement être au courant. Sur le truc. Bon, pour commencer. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire, monsieur Smile ? Que le calendrier m'a dicté en liberté. Ah. Vous voyez qu'il prend un air un peu pensif. Il vous regarde un peu les uns après les autres, avec un air presque jugeant. Vous voyez qu'il baisse un peu la tête. Pas d'un air honteux ou quoi que ce soit, juste il baisse la tête pour vous regarder un peu mieux par-dessus ses lunettes, en réalité. Et en faisant ça, après, il prend un petit moment et il vous dit « Non, non, non, je m'attendais peut-être à un peu plus de sérieux de votre part, mais je suis satisfait tout de même, vous avez... semble-t-il régler notre problème, mais il n'y a pas d'inquiétude à se faire, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Et pour cette chose dans les... qui vivait dans vos... Oui, oui, monsieur Harpas, monsieur Jeffrey Harpas, si j'ai bien compris, grâce à vous, a été appréhendé, alors nous allons nous occuper de lui comme il se doit. Mais... pour ce qui est du reste, il n'y a pas de souci. Monsieur Julian Day, que vous pensez être à présent en liberté, n'est pas en liberté ou quoi que ce soit. Il a simplement été transféré. Vous savez, l'État de Gotham avait jusqu'à présent des pratiques assez archaïques et en réalité, nous acceptions jusqu'à présent dans notre institut des gens qui n'avaient pas besoin d'y être. Des gens... qui n'était pas pénalement irresponsable. Monsieur Julian Day, par exemple, votre fameux Calendarman, est un sociopathe. Quelqu'un qui souffre de troubles antisociaux de la personnalité. Il est pénalement responsable. Nous l'avons simplement transféré, car il n'avait rien à faire ici. Ça fait partie de notre processus d'assainissement et de sécurisation de l'Institut, c'est tout. Là-dessus, sans dire un mot... Je me retourne et je pars dans la direction de la porte comme si j'allais partir. Je pose la main sur la poignée comme si j'en avais que faire d'écouter son blabla. Et au dernier moment, je me ravise. Je me retourne dans sa direction et je lui fais Monsieur Gardiner, pouvez-vous me donner la nouvelle adresse de résidence de Monsieur Calendarman, qui est Julian Day. J'aimerais lui rendre une petite visite. Juste pour m'assurer que tout est en ordre. Un silence pesant s'installe dans la pièce. Et quand je dis pesant, c'est-à-dire que pour toi, par exemple, Monsieur Smile, David Smile, tu sentirais presque une chape de plomb commencer à t'écraser au sol. Est-ce que je peux néanmoins essayer de chuchoter en direction de mon supérieur hiérarchique en bégayant? Secret médical. Je suis désolé, Madame Harpier, mais le secret médical m'empêche de vous donner plus d'informations. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a quitté l'État. On se reverra, monsieur Godana. On se reverra. Et là-dessus, je ferme la porte. My role is to serve you. Disposable, darling. Can't throw you away now. Immortal and life size. My breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death size. Inflatable doll, lover ungrateful. I blew up your body.